Et dans les rues, elle t'abandonne. Et dans la rue, elle t'abandonne. Le replay du Morning de Difool. The Morning Show. 5h, 6h. Every morning. Tous les matins sur Skyrock. Les bâtards qui parlent que par intérêt. On paraît tout penser de thème. Apprends que ma fée il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Enfuis ta tenue, mon gars, place au combat. Ton chip, pas de fatigue, paye, j'en teste. Mon pote qui va gérer mes vêtements. Imagine ça, tu prends les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hey, mon ami, c'est bon, l'enfant, aïe, fais bouger ta ville. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Mbalé. Faut que les jalousies vont pas vite. À 11h, je dis ça avant 20. Gardez, appétit. On se barre, j'ai la boule du Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gati appétit, gati appétit, appétit. Gati appétit, gati appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Mais mes prises et mes gars sont mes prévages. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moule. Ouais, est-ce que bête, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie du galon depuis la partie 1. Oh, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Avec du lard, connais pas la porte. On se dit l'air que c'est moi qui le passe. Ça passe, tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus de l'air quand la ligne reste. Gatier, appétit, on se barre, j'ai la boule à du Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gatier, appétit, gatier, appétit, appétit. Gatier, appétit, gatier, appétit, appétit. Gatier, appétit, on se barre, j'ai la boule à du Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Partie 5, MHD sur Skyrock, tout pile 6h. Bonjour à vous tous, on est mercredi, déjà le milieu de semaine. J'espère que la nuit a été bonne. Le 6 juillet, c'est parti pour une grosse matinée qu'on va passer tous ensemble. Morning Best, tout ce qui déchire, tout ce qui vous a fait le plus marrer dans le Morning de Difool. On va prendre un cours de drague avec Cédric le Belge dans moins de 5 minutes. On va écouter aussi la nouvelle des 21 Pilots. Juste après l'actu et le sport, on y va tout de suite. Premier point, Rémi, ouais. Comment il va au taquet? Oh bah on est là au taquet comme d'hab. La météo au taquet aussi ou pas? Ouais, enfin des bonnes nouvelles côté météo. On les a attendus, du soleil partout aujourd'hui. Même si on a encore quelques légers nuages là dans une bonne moitié nord, ils vont d'ailleurs se dissiper ces nuages au fil des heures. Oh, peut-être encore quelques petites gouttes de pluie, notamment sur le Mercantour, mais rien de bien méchant. Les températures pour ce matin, on a 10 degrés du côté de Rennes, 11 à Beauvais, 12 au Mans, 13 à Niort et à Lille, 14 à Bordeaux et à Paris, 15 à Mont-de-Marsan, 16 à Strasbourg et à Lyon, 17 à Toulouse, 18 à Ajaccio, 21 à Marseille et 22 du côté de Nice. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Cherbourg, 20 à Brest, 21 à Lille, 22 à Lorient, 23 à Paris, 24 à Biarritz, 25 à Clermont-Ferrand, 27 à Bordeaux, 29 à Marseille et à Lyon, 31 à Toulouse et 33 à Avignon. La pollution, ça reste bon, les indices compris partout entre 3 et 4. Rihanna, Drake et les Fifth Harmony pour attaquer la matinée pour le son, et là on y va pour l'actu. Et une bonne nouvelle pour les nouveaux bacheliers, près de 8 candidats sur 10 ont obtenu leur diplôme, un chiffre qui sera en hausse dans quelques jours à l'issue des oraux de rattrapage qui commencent ce matin. Les droits d'inscription à l'université n'augmenteront pas à la rentrée pour la deuxième année consécutive. Promesse faite dans le Parisien ce matin par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. 25 000 étudiants supplémentaires toucheront une bourse dans les prochains mois. Cela concerne ceux dont les parents gagnent moins de 33 000 euros par an. Le PEL qui a de plus en plus la cote, c'est le dispositif qui semble fonctionner en ce moment. moment. 920 000 plans d'épargne logement ouverts au premier trimestre de cette année. Cela représente 6% de plus que l'an dernier. Le taux du PEL est à 1,5%, soit le double de ce que rapporte le livret A. Finalement, c'est non. Fin du suspense du côté de Nicolas Hulot. Il ne se présentera pas à l'élection présidentielle. On se fait via un communiqué qui ouvre donc la voie à une autre candidature écolo. L'ex-présentateur d'Ushuaïa, l'émission, estime être ni suffisamment armé et ni suffisamment aguerri. Le passage en force une nouvelle fois du gouvernement en faveur de la loi travail. Manuel Valls a fait usage hier de l'article 49.3 afin d'éviter un vote des députés. Faute de majorité, le Premier ministre engage donc la responsabilité du gouvernement. La même question revient à chaque fois. La gauche va-t-elle déposer une motion de censure? Bien possible. À en croire les frondeurs, 58 signatures sont nécessaires et la dernière fois, eh bien, il n'en manquait que deux. La droite a déjà annoncé qu'elle ne déposerait pas de motion de censure. Et puis du sport et du foot avec la première demi-finale de l'Euro ce soir. Le Portugal de Ronaldo affronte les Dragons gallois de Gareth Bale, deux monstres sacrés du ballon rond pour une seule place en finale. Le match aura lieu à Lyon et sera bien sûr à suivre en direct chez Difool dès 21h. Côté bleu, ça s'est bien entraîné hier à Clairefontaine. Départ aujourd'hui pour Marseille où la rencontre est prévue demain contre l'Allemagne. Et toi Rémi, on va te retrouver un peu plus tard pour l'actu et pour le sport. À tout à l'heure. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Difool sur Skyrock. Le rencard à pas louper pour attaquer la journée, pour attaquer la matinée. Le Morning Best, tout ce qui vous a fait le plus marrer dans le morning de Difool. Il est 6h04 au programme de la matinée. Il y aura du conseil pas cher avec Romano, des réveils de stars également. On va utiliser les voix de Nabila, Jean-Marie Le Pen et Olivier Tom également dans moins d'un quart d'heure pour réveiller des familles prises au hasard dans l'annuaire. Votre horoscope de l'amour, ça sera tout à l'heure à 7h-10. Nouvelle journée Rihanna qui débute sur Skyrock. J-9 avant son arrivée en France. Elle sera le 15 juillet à l'Alliance Riviera de Nice. Derrière, elle va passer à Lyon, à Lille, au Stade de France, à Paris-Saint-Denis. C'est une tournée Skyrock. Il y aura des places à gagner dans le cours de la matinée tout au long de la journée en écoutant Skyrock. Rihanna d'ailleurs qu'on va écouter en classique avec Rude Boy. Et juste avant, la toute nouvelle des 21 Pilots. Les 21 Pilots tout de suite avec Ride sur Skyrock. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time. I'm on my ride. I'm on my ride. I've been thinking too much. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. Allez Cédric, on va te laisser un one shot, une chance de draguer ce matin, puisqu'on parlait du sondage. Les femmes draguent des mecs dans la rue, mais pas beaucoup. 12% des femmes l'ont déjà fait, 29% des hommes l'ont fait. Cédric vous montre comment faire. Alors pas pour draguer dans la rue, parce qu'on l'a pas envoyé dans la rue, parce qu'en face à face, les femmes ont peur. Bon, allez. On le fait au téléphone et merci pour les numéros que vous nous avez laissés. On a pioché dans les numéros que vous nous avez laissés là. Et c'est Bernard qu'on appelle. Et on appelle Bernard. Bernard. Bernard. Tu vas draguer Bernard. Allez. Bernard ou sa femme d'ailleurs. Ou sa femme peut-être. Oui. Allô. Allô, bonjour. C'est la femme de Bernard. Oui, bonjour monsieur. Comment ça va ma belle? Qui êtes-vous? Eh ben je me présente, je m'appelle Cédric. Et toi, c'est... Je vous connais pas. Bah justement, moi je te connais un petit peu, enfin je te croise régulièrement dans la rue. Et j'ai craqué sur toi, donc aujourd'hui je voulais venir te déposer 2-3 roses et te faire un petit bisou. C'est la classe. Romantique. Non mais ça va pas la tête hein. Bah quoi, je suis un gentleman, je veux t'offrir des roses. Viens voir, moi je vais te recevoir, j'ai ce qu'il faut. Ah, Bernard, t'es jaloux, tu veux des roses toi aussi? Oui, bah viens, je t'ai donné, je vais te recevoir. Et après on fera un petit câlin. Comment? Bah quitte, bah attends, je vais appeler aussi ce qu'il faut là. Bah écoute, hein, si tu veux, je te ramène des fleurs, tu veux un truc en plus ou ça va aller? Comment pour te recevoir? Ah bah génial, on fera un truc ensemble alors. Bon, on appelle la police. Ah bah écoute, on fera un câlin avec la police comme voilà, ça. Voilà, vous allez être nombreux là. On va faire un gros câlin comme ça. Une partouze le matin, c'est ouf ça. Ah ouais, t'as vu un peu. Ramène l'apéro. T'es trop fort Cédric. Eh Bernard, j'arrive et je vais te faire un petit câlin, d'accord? Non, bah j'appelle ce qu'il faut. Écoute, appelle ce qu'il faut, y'a pas de problème. Moi aussi je ramène 2-3 capotes, là je vais à la pharmacie puis j'arrive. Attends, bah on appelle la police. On va voir. Hein, oui, vous arriverez ensemble hein. Eh bah génial, je te fais un gros bisou ma chérie. Attends, mais j'appelle la police. Allez, gros bisous, il est impatient. Très bien, bravo Cédric. Eh, bravo Cédric. Bravo. Voilà. Je dirais même que sur ce coup, t'es dragueur, mais t'es aussi gentleman. T'as vu un petit peu, je viens avec des roses. Il arrive avec ses roses. Regardez les messages, bravo mon Cédric. Hein. Magnifique pour ce serrage. Félicitations Cédric. Ah ouais, allez le Belge chaud, pour Anatole. T'es trop fort pour Tahiti Airlines. Bravo, il te dit Tahiti Airlines. Merci, merci. Ouais, bon, bah c'était la grande classe ce matin. Un petit peu, comme ça, moi. Bon, faut tenter la drague. Ça peut marcher. Ou pas, d'ailleurs. Ouais. 6h-9h. Morning Show. Le morning de Default sur Skyrock. I like the way 6h13, mercredi matin, on est à J-13 de l'arrivée de Riri Rihanna, la numéro 1 Skyrock qui débarque en France. La grande tournée des stades, ça sera juste après l'Euro. Ça débute le 15 juillet du côté de l'Allianz Riviera de Nice. Elle va passer à Lyon, à Lille et au Stade de France à Paris-Saint-Denis. Vos invites à gagner toute la journée en écoutant Skyrock. Il y en aura à choper d'ailleurs dans la roulette. Dans le cours de la matinée, on va choper les premières inscriptions maintenant sur les réseaux sociaux. Faites péter le hashtag DiFoolBest pour vous inscrire sur Yax et sur Twitter. Hashtag DiFoolBest. Un petit tweet, un petit Yax et vous êtes automatiquement inscrit. Et puis il y aura des inscriptions également dans la matinée au 41-7-5-9. Le morning de DiFool, les meilleurs moments tous les matins dans le Morning Best. L'heure de retrouver Olive et Tom pour le réveil de star. On va commencer à se chauffer avant le match des Bleus, la demi-finale qui a lieu demain soir, France-Allemagne. Olive et Tom, c'est maintenant, et Drake aussi avec One Dance. Salut tout le monde. Salut. Nous vous souhaitons une très bonne journée. C'est très gentil, ouais, merci salut. À toi. Ah, si vous aimez les mangas, c'est un des premiers mangas, enfin, ça fait partie des premiers mangas, des mangas historiques. Ouais. Ils sont là, vous les avez pas reconnus ? Allez, debout les sportifs, c'est moi, Olivier. Salut Olivier. Salut, salut Olivier. De Olive et Tom. Eh ouais. Mais ouais, c'est Olive et Tom qui vont réveiller les familles ce matin. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Je vois qu'on connaît ces classiques. Ah ouais. Ils sont venus pour gagner. Ah ouais. Olive et Tom, magnifique, ils sont là. Et je m'appelle Olivier Hatton. Oui, je suis Olivier Hatton, mais bien sûr. Ouais. Olive et Tom, c'est le petit dessin animé, le petit manga. C'est ça, ils jouent au foot. Oui, ils jouent au foot. Ouais, c'est ça, avec des figures de ouf. Oui, ils mettent 20 minutes pour mettre un but. Ah ouais, le terrain, il fait 10 km. Ouais, le terrain, le mec, il se met à courir. Au début de l'épisode, t'as le temps d'aller chier, d'aller bouffer un truc et de revenir. Il est toujours au même endroit. Il est toujours en train de courir en direction le but. Et puis, il court chelou avec les bras. Ouais. Bah ouais. C'est Olive et Tom, je pense qu'on va bien rigoler avec eux. Bon, on a mis les familles en contact avec Olive et Tom. On va voir ce que ça donne. Voici maintenant Roberto et la famille qui se font réveiller par Olive et Tom. C'est le réveil de star. Le réveil de star. Une star. Un appel. On écoute. Attention, comment ça va se passer, Roberto et Olive et Tom. Oui, allô. Salut. Oui. Allez, debout les sportifs. C'est moi, Olivier. Et hop. Un, dix. Le petit déjeuner est servi. Oui. C'est qui, là? Je m'appelle Olivier Hatton. Eh oui, mais alors? Je viens juste d'arriver ici. Oui, j'ai... Qui c'est que vous cherchez? Roberto! Oui, c'est moi, Roberto. Vous aussi, vous allez à l'école de San Francis? Non, je vais pas à l'école de San Francis. Je t'ai reconnu, tu es l'avant-centre de l'équipe nationale du Brésil. C'est ça. Non, je suis pas l'attaquant du Brésil, au cas où vous êtes l'attaquant de l'Italie. Italien. Moi, j'arrive pas encore à croire que je vais vivre à côté d'un des plus grands joueurs du football du monde. Ah ben, c'est moi, je rêve ou quoi? Écoutez, si vous cherchez, vous savez où me trouver, d'accord? Tu ferais mieux de garder ton esprit combatif pour le match qu'on va jouer. Oh, t'as cassé les couilles, d'accord? Si tu veux venir, tu viens chez moi, je te fais une tête carrée et après tu repars. D'accord? T'as cassé les couilles. Ah non, là, il y a faute de main. Ah oui. Ciao. Ah bah oui. C'est ah bah... super de jouer avec vous. Ah oui, parce qu'il voulait faire une tête carrée, il a touché le ballon avec la main. Il est pas con, Olivier. Bah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, il est pas con. Eh oui, c'était pas Roberto du Brésil, c'était Roberto de l'Italie. Ah ouais, c'est ça. Nous avons eu sur Skyrock, vous pouvez le dire, hashtag star. Nous avons eu sur Skyrock l'attaquant de l'équipe d'Italie. Eh ouais. Roberto. J'avais pas vu qu'il y avait un Roberto dans l'équipe d'Italie. Mais on aura au moins appris ça ce matin. Merci à Olive et Tom ce matin d'être venus réveiller les familles de France. Vous avez vu que même avec un manga, les familles discutent. Ouais. Eh ouais, discutent bien, Roberto. Famille de France, on remercie Roberto, je qui veux faire une tête carrée. 6h-9h, Morning Show. Le morning de DiFool sur Skyrock. Baby, I like your stuff. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance de Drake, une découverte Skyrock, 6h20. Merci d'attaquer cette nouvelle matinée avec le son de Skyrock. On est mercredi, ça y est, le milieu de la semaine, j'ai envie de dire. Le plus dur est fait, on vous met bien avec les meilleurs moments du Morning de D-Fool. Le Morning de D-Fool, c'est du cash et de la déconne. Tous les matins sur Skyrock, de 6h à 9h, on profite de l'été pour se refaire tout ce qui déchire dans le Morning Best. On va se faire le replay du jeu du banquier, l'occasion de gagner 500 euros cash facilement. On vous met ça juste avant 6h30 avec D-Fool et Romano. Pour le son, c'est SCH, le Marseillais avec Allo Moment et Mike Posner avec Aito Kepelini Biza. Écoute, ça se passe dans la radio libre de D-Fool. Alors Jules, tu voulais une grosse moto et on t'a ramené. Ah, un petit zip là, tranquillement, on va tout péter avec, on va cabrer, on va le mettre à Y. Tous les soirs. Donc tu vas le mettre en Y, alors c'est très bien parce que c'est Cédric qui a payé la caution. Eh vas-y Jules. Tu veux que je monte derrière? 21h minuit. Il est tout blanc, D-Fool. Ça fait des roues arrière et là en panique s'il te plaît. D-Fool, tu sais, il a accroché comme une meuf. Adieu. Tous les soirs, D-Fool Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Chaleur, tendresse, amour. Smacks. Smacks, c'est l'appli de chat et de rencontres géolocalisées pour s'éclater sans prise de tête. Des milliers de mecs et de nanas connectés 24 heures sur 24, à la plage, en ville, en boîte, à côté de toi. Smacks, vas-y. L'événement magique à Disneyland Paris, c'est le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Un truc de ouf! Avec plein de personnages Disney. En ce moment à Disneyland Paris, découvrez le nouveau spectacle d'illusion Mickey et le magicien. Retrouvez les personnages Disney comme vous ne les avez jamais vus. Yax, c'est l'appli secrète dont tout le monde parle. L'appli qui cartonne sur les stores. Tous les jours, des millions de Yax pour t'exprimer, te défouler ou juste te taper des barres. Rejoins le mouvement, télécharge Yax, c'est l'appli incontournable. Lâche-toi, télécharge Yax, YAX. Le Morning de D-Fool. Moi les choses. 6h, 9h sur Skyrock. I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick out the picture. I'ma get you fired. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, but you gotta put in work. You don't gotta go to work. You don't gotta go to work. And my body do the work. We can work tomorrow. Oh, oh, oh. We can work tomorrow. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Girl, go to work for me. Can you make a clap? No hands for me. it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine, let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo, and she down to break the rules. Ride it down, she gon' go, I'm gon' choose. She finesse, I fight both, she take that. Put in overtime on your body. Sur Skyrock, Morning Best, Best Morning Show, les meilleurs moments du morning de Difool. Allez, un petit zapping télé ce matin sur Skyrock. Écoutez bien, une petite émission, un petit extrait, et dès que vous avez le nom de l'émission, vous appelez au 01 53 40 30 20. Un son pour choper le maximum de blé. C'est le jeu du banquier sur Skyrock. Alors, accrochez-vous et appelez, hein. Vous pouvez y aller dès maintenant. Je vous balance le son. Écoutez bien ce petit extrait d'émission. Là, on va faire dans le haut niveau. Hein. Haut niveau culturel, vive la télé. Allez, maintenant, on fait un test de culture générale. Mais non. On est dans la cuisine avec Kim et Raouel et on décide de faire un test de culture générale et on sent que ça va être minable. Ah non, ça va être super. J'en suis sûr que ça va être super. Quelle bonne idée ils ont eue. Oui. La première guerre mondiale, elle était en 1945. Alors, la Première Guerre mondiale était en 1945. Elle a duré longtemps. C'est une longue guerre. Ah ouais? Ah ouais, quand même, une guerre de fou, longtemps. Non, c'est pas en 1945. La Deuxième Guerre mondiale. Oui. 39-45. Ah, c'est voilà, bien. Donc t'attends 45. Je savais qu'il y avait un 45 quelque part. Ah. Voilà. 39-45. 6 ans de guerre. 6 ans de guerre. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi long une guerre. Je pensais que c'était un mois ou deux. Ouais, ah ouais, bah comme ça, ouais. Ouais, croyez, il y avait des règles. Ah ouais, tiens, on va faire une petite guerre, mais d'un mois. Qui sont ces personnes? Dans quelle émission ils sont? Eh bien, c'est parti. 0, alors, attention. 53, 40, 30. Bah, Romano, tu as 500 euros en main. 500 euros. Et si on a la bonne réponse, bah, l'auditeur ou l'auditrice paraît que t'es 500 euros. Oui. Si c'est une mauvaise réponse, j'enlève 100 euros. Il en restera 400 pour le deuxième. Et ainsi de suite. Si le deuxième n'a pas la bonne réponse, on tombera à 300, etc. Oui. Écoutez bien, d'ailleurs, un autre. On souhaite d'arriver à zéro, évidemment. Allez, un autre extrait, juste pour rigoler. Pourquoi le Roi Soleil, on l'a appelé le Roi Soleil? Ah. Que sa chambre elle était exposée sud et du coup il aimait le soleil. Mais ouais. Ah ben voilà, c'est pas con. Louis XIV s'appelle le Roi Soleil parce que la chambre est exposée sud. Bah oui, faut pas chercher compliqué. Hein. Ah ben voilà, ça aurait pu être. Alors, émission mystère, allô, on décroche en direct. Bonjour. Bonjour. Bonjour, qui es-tu? Étienne. Étienne, bonjour. Salut Étienne. Tu appelles d'où Étienne? De Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer. Alors, okay. Étienne, quelle est l'émission mystère? Alors, attention, ta proposition, tu joues pour 500 euros. Si tu as la bonne réponse, 500 euros. Alors, vas-y, Étienne. Les Marseillais? Oui, mais oui, mais oui, vous les avez reconnus, les Marseillais. Eh ouais, les ouais. Marseillais. Eh ouais, t'as gagné. Et à Boulogne-sur-Mer, complètement au nord, tu gagnes grâce à complètement au sud, les Marseillais, c'est gagné. Ils sont forts, ces Marseillais. Hein. Oh, et très intelligents. Super. Eh ben, tu viens de gagner 500 euros, Étienne. Eh ben, bravo, Étienne. Eh ben, ouais. Et Étienne, il est arrivé tout timide, il repart avec 500 balles. Eh, c'est bien, t'as bien fait de te réveiller avec nous, Étienne, ce matin. Ouais. Eh oui, les Marseillais qui sont quand même très, très, très forts. La première guerre mondiale de 19 à 45, la deuxième est venue superposée de 39 à 45. Le roi Soleil a une chambre exposée sud, donc il est au soleil, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Ils sont super. Ouais. Hein. Eh, on en apprend des choses. Ouais, ouais, on en apprend des trucs. Attendez, un truc sur l'Égypte aussi que je voulais vous faire écouter. C'était un petit extrait que je vous avais gardé en réserve. Écoutez bien, Kim des Marseillais. Elle est super, Kim. Genre, si on veut en Égypte, on peut y aller en Égypte? Oui, l'Égypte, elle existe encore. Oui, ça existe. Mais c'est un pays ou c'est un peuple? C'est un pays. Voilà, l'Égypte, c'est un pays ou c'est un peuple, d'après vous? Pas facile. Ah, pas facile. Eh ben voilà, petit quiz culturel avec nos amis les Marseillais. 500 euros pour toi, bravo Étienne. Bravo, bravo. Encore merci. On t'embrasse Étienne, bravo à toi. Ouais. Les meilleurs moments du morning de Difool. Morning Best. 6h-9h sur Skyrock. À 6h29, SCH qui débarque. J'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin, j'crois que t'as besoin de repos. Après les Marseillais de la télé, le Marseillais, un vrai, enfin, bon, on préfère SCH quand même, hein, je crois, j'aime mieux. Allô, maman d'SCH qui arrive, il est 6h29, bonjour à vous tous, bienvenue. J'espère que ça va bien ce mercredi matin. Le mercredi 6 juillet, je vais répondre à la question de Ninou qui demandait si Difool et Romano sont en vacances. La réponse est non. Ils seront en direct tout à l'heure sur Skyrock à partir de 21h pour la radio libre avec notamment le double appel, le clash de la drague et puis le match, bien évidemment, la demi-finale à vivre en direct, le Pays de Galles contre le Portugal. Là, on se fait les meilleurs moments du morning de Difool. On va parler foot justement dans quelques secondes avec Difool qui va vous faire la liste, qui va vous donner le classement, la compile des phrases de footballeurs qui se la pètent le plus. C'est juste après l'actu et le sport, lui aussi se la pète, mais ça c'est seulement dans les couloirs de la radio. Derrière ouais, voilà. Micro, il est très très modeste. C'est Rémi que vous retrouvez tout de suite, l'actu, le sport. Rémi, on débute avec le temps. Ouais, on a des bonnes nouvelles pour tout le monde côté météo. On a du soleil aujourd'hui, même si on a encore quelques légers nuages dans une bonne moitié nord. Ils vont d'ailleurs se dissiper au fil des heures, sauf peut-être sur le Mercantour, là où quelques gouttes de pluie pourraient venir un petit peu gâcher la fête. Les températures ce matin, 11 degrés à Caen, 12 à Orléans, 13 à Lille, 14 à Saint-Etienne et à Paris, 16 à Lyon, 17 à Montauban, 20 à Nîmes, 21 à Marseille, au meilleur de la journée, 18 à Dunkerque, 19 au Havre, 21 à Lille, 22 à Rouen, 23 à Paris, 24 à Nantes, 25 à Auxerre, 27 à Bordeaux et à Limoges, 29 à Marseille et à Lyon, 32 à Montpellier et 35 du côté de Nîmes. La pollution, ça reste bon, les indices sont compris entre 3 et 4. L'horoscope de l'amour dans moins de 20 minutes et là, c'est parti pour l'actu. Et une bonne nouvelle pour les nouveaux bacheliers, près de 8 candidats sur 10 ont obtenu leur diplôme. Un chiffre qui sera en hausse dans quelques jours à l'issue des oraux de rattrapage qui commencent ce matin. Les droits d'inscription à l'université n'augmenteront pas à la rentrée. Promesse faite dans le Parisien ce matin par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. 25 000 étudiants supplémentaires toucheront une bourse dans les prochains mois. Cela concerne ceux dont les parents gagnent moins de 33 000 euros par an. Le passage en force une nouvelle fois du gouvernement en faveur de la loi travail. Manuel Valls a fait usage hier de l'article 49.3 afin d'éviter un vote des députés faute de majorité. Le Premier ministre engage donc la responsabilité de son gouvernement. La même question revient à chaque fois. La gauche va-t-elle déposer une motion de censure? Eh bien, c'est possible, à en croire les frondeurs. 58 signatures sont nécessaires. La dernière fois, il n'en manquait que deux. La droite a déjà annoncé qu'elle ne déposerait pas de motion de censure. La mobilisation dans la rue qui perd du terrain. Moins de monde hier que la semaine dernière pour cette 12e journée d'action. La police évoque 30 000 manifestants partout en France. C'est deux fois moins que la précédente journée. La force ouvrière affirme que c'était la dernière de l'été avant une reprise à la rentrée. Du sport, du foot, première demi-finale de l'Euro ce soir. Le Portugal de Ronaldo affronte les Dragons de Galois de Gareth Bale, deux monstres sacrés du ballon rond pour une seule place en finale. Le match aura lieu à Lyon et sera à suivre en direct chez Difool dès 21h. Côté bleu, ça s'est bien entraîné hier à Clairefontaine. Départ aujourd'hui pour Marseille où la rencontre est prévue demain contre l'Allemagne. Et puis le Tour de France avec Peter Sagan qui reste en jaune. C'est Marcel Kittel qui a fini en tête hier à Limoges. Photo finish à l'appui. Le Français Brian Coquart termine deuxième à quelques centimètres du leader, place aujourd'hui à la cinquième étape entre Limoges et le Lioran sur 216 km, un parcours accidenté avec les premières ascensions. Les 40 derniers kilomètres sont particulièrement difficiles avec 4 cols à franchir dont le col du Pertus, un véritable casse-pâte avant l'arrivée prévue à 17h. Merci pour toi Rémi, et toi on va te retrouver tout à l'heure dans la matinée pour l'actu et pour le sport. À tout à l'heure. Les meilleurs moments du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning Show. Morning Best. Oh no, oh, hey. No. serai pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé. Je pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi, je serai partout, tant que tu m'attendras du rimel sous les cils. Nos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non, j'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire, c'est hyper dur. Mais au fond, je sais que tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô, maman. T'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô, maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô, maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô, maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô, maman. J'crois que t'as besoin. T'aurais pas. Allons-nous-en. J'serai ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en âge. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, tant tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir. Te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. Pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. Maman, ça va? Je te rappelle après. J'ai plein de travail. Pardon. Allô maman, ça ne passe que sur Skyrock, on est la seule radio nationale à vous le passer. Le son d'SCH, le rappeur marseillais qui va d'ailleurs faire une tournée dans toute la France. Ça débute le 3 novembre du côté du Cirque Jules Verne à Amiens. Et puis il va passer près de chez vous dans votre ville, dans votre région. Il y a toutes les dates de la tournée d'SCH, toute la tournée Skyrock à retrouver sur le net. C'est skyrock.fm, mercredi matin au taquet, avec les meilleurs moments du morning de Difool pour attaquer la matinée. L'horoscope de l'amour qui se prépare, on va vous donner également le classement des objets qui nous empêchent le plus de dormir. Là on se fait un nouvel épisode du morning de Difool. Difool et toute l'équipe à retrouver tout de suite avec Aito Kepelini Biza de Mike Posner. Et c'est l'heure de la compile des phrases qu'on peut dire quand on est footballeur et qu'on peut se la péter et que les autres ne peuvent pas dire à leur place. Alors, voici tout de suite mon grand jeu. Je vous donne des phrases et vous nous dites qui les a prononcées. C'est des phrases de joueurs qui jouent à l'Euro. C'est que des Français? Non, il y a de tout. Il n'y a pas que les Bleus aujourd'hui. On a fait un petit test. Il y a tout le monde. Qui a prononcé la phrase? Mon nom est... Je suis au sommet du monde. Zlatan. Maintenant, je veux être... Moi aussi, j'aurais dit Zlatan. Maintenant, je veux être éternel. Alors, Romano, tu dis Zlatan. Qu'est-ce que vous proposez, tout le monde? Zlatan. Mais c'est toi, Zlatan. Zlatan, it's the best. Oui, c'est bien. Zlatan se propose lui-même. Oui, il se propose. Mon nom est Zlatan, je suis au sommet du monde. Maintenant, je veux être éternel. Non. C'est Cristiano Ronaldo. Ah bah ouais. Oh bah Carrie, il fallait le dire. Oh là là, alors là qui c'est le drame. Elle est timide. Cristiano Ronaldo qui a dit ça. Qui a dit je suis riche, beau et fort et les gens sont jaloux? Zlatan. Ribéry. Non, ce n'est pas Zlatan. Je sais. Ribéry, j'y aurais pensé aussi, mais c'est pas. Moi je dirais Ronaldo. Bonne réponse de Romano Carioll, tu t'es encore fait griller. Bah, non, c'est pas grave. C'est pas Ronaldo. Tu pensais à qui? Messi en fait. Ah, j'aurais dit Messi aussi. Ah, Messi. Eh ben, non. Ouais. Eh ben, mais non. Non, c'est Cristiano Ronaldo. Je suis riche, beau et fort. Les gens sont jaloux. Alors, qui a dit Je suis le premier, le deuxième et le troisième meilleur joueur du monde. Zlatan. Non, ce n'est pas toi, Zlatan. Zlatan is the best. Oui, je sais, mais c'est pas toi qui as dit ça. Bon, allez, Ronaldo. Vas-y. Non, attendez, laissez proposer Carriol qui aura peut-être enfin une bonne réponse. Ah, Messi alors. Non, c'est Ronaldo, pas toi. Ah, je l'ai dit. Pas de chance, pas de chance. Ah bon, t'as pas entendu, Cédric. Qui a dit je ne crains personne, seulement Dieu? Ah, ça, je sais. C'est qui? Zlatan. Bonne réponse. Zlatan. Champion du monde. Ouais. This is Zlatan. Mais oui, mon Zlatan, tu as raison. I'm the winner. You're the winner, c'est bien. Qui a dit je n'ai rien à prouver au monde? Ah. Bah, tiens, Ronaldo. Bonne réponse de Romano. Qui a dit ceux qui me critiquent n'ont pas de miroir dans leur maison? Ronaldo. Genre, regardez-vous vous-même. Ronaldo, bonne réponse, Romano. Ouais, je vais proposer Ronaldo jusqu'à la fin, je vous le dis. Là, un piège parce qu'il n'est pas à l'Euro, mais il a pas mal de joueurs à l'Euro. En tout cas, il a pas mal qui le connaissent. Il y a Dieu et juste après, moi. Messi. Messi. C'est. Zlatan. Non, ce n'est pas Zlatan. Non, c'est Lionel Messi. Messi. C'est pas Messi. Ah, c'est pas Messi. Non, c'est pas Messi. C'est un entraîneur, José Mourinho. Mourinho qui se la pète, lui. Ah plus, non, pas du tout. Moi, vraiment, il est d'une modestie. L'année dernière, il a fait que de la merde. Le mec continue de se la péter, hein, quand même. Hein. Le mec a foutu son équipe plus bas que terre. C'est José Mourinho. Je suis pas fan de José Mourinho. Ouais, mais avant, il a quand même eu des résultats. Ouais, ouais, il a déjà gagné. Au Real, avec Cristiano Ronaldo et tous les autres derrière. Bah, il y en a qui avaient raté avec cette équipe-là. C'est vu, je l'aime pas, Mourinho. Ça s'entend. J'aime humilier mon adversaire. Cela fait partie de ma conception du jeu. Qui a dit ça? Zlatan. Bonne réponse de Romano. Zlatan is the best. Mais oui, Zlatan. La prochaine, ce sera Ronaldo. Oui. Eh oui, dans 4 ou 5 jours, je serai à nouveau beau. Ah, pourquoi il a eu un problème? Oui, il s'était fait une petite griffure sur le visage. Oh, c'est terrible. Figuré. Ronaldo. Eh oui, on peut se la péter quand on est joueur de foot, c'est ça qui est super. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Voilà, c'était la petite compile du jour avec j'ai le droit de me la péter, je suis joueur de foot et je m'éclate. Merci à tous les joueurs de foot, Cristiano Ronaldo et Zlatan aussi. Ouais, voilà, merci les gars. 6h-9h, The Morning Show, le morning de Difool sur Skyrock. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA, I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, oh, I know our sad souls, sad souls. I Took a Pill in Ibiza de Mike Posner sur Skyrock. Mercredi matin, ça y est, hein, le plus dur est fait. Le milieu de semaine du beau temps dans toute la France, pratiquement partout aujourd'hui. Ça fait bien plaisir, les Bleus qui s'apprêtent à affronter l'Allemagne. On vivra ça en direct demain soir à partir de 21h sur Skyrock dans la radio libre de Difool. Et les meilleurs moments du morning de Difool tous les matins sur Skyrock dans le Morning Best avec le classement des objets qui nous empêchent le plus de dormir et votre horoscope de l'amour dans 54 secondes. Il vient du 9-2. Yo, Jiggy, check. Son univers, tu l'as découvert dans Planet Rap sur Skyrock. Session live dans Planet Rap, Gizmo. Yo, Jiggy, check. C'est Gizmo sur Skyrock. Le jeune rappeur à la plume affûtée revient dans l'émission rap numéro 1 en France. Planet Rap. J'ai sonné, j'ai frotté, j'ai volé la monnaie depuis écolier. Freestyle exclu, nouvel album à découvrir en direct avec Gizmo et Fred sur Skyrock. Skyrock, plus on nous dort. C'est Planet Rap Gizmo, tous les soirs, 20h-21h sur Skyrock, sur les réseaux sociaux et en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. Avec Nekfeu et Justin Timberlake qui se préparent pour le son. Il est pratiquement 7h moins le quart, c'est l'heure de votre horoscope de l'amour. On est le mercredi 6 juillet, 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les Gémeaux et pour les Scorpions avec une vilaine qui va vous tirer dans les pattes. 1 sur 5, les Poissons et les Verseaux qui paniquent à l'idée qu'on vienne taper dans leur sandwich. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les Taureaux et pour les Sagittaires. Attention, quelqu'un pourrait tenter de vous inciter à faire de la merde. 3 sur 5 pour les Cancers et pour les Balances. C'est le moment de prendre vos couilles à deux mains. Prenez l'initiative, vous serez récompensé. 4 sur 5, les Lions et les Capricornes avec des regards qui fusent. On vous scrute de la tête aux pieds, vous aurez l'impression d'être une rosta. Et enfin, les Vierges et les Béliers, priorité numéro 1 de celui ou celle que vous visez. Vous allez passer une chouette journée, tout simplement. Les Vierges et les Béliers, 5 sur 5 de puissance amoureuse. Une chouette journée qui débute avec les meilleurs moments du morning de Difool dans le Morning Best. Difool et Romano, vous les retrouvez maintenant. Le French Test sur Skyrock. Et on va parler des problèmes d'insomnie. Vous avez du mal à dormir. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez du mal à dormir? Ah bah il y en a qui squattent le net. Mais ne faites pas ça, il paraît que ça excite. Il y a eu des études qui ont été faites. Quand t'es sur le net, t'es hyperactif parce que t'as les doigts qui bougent sur ta tablette ou sur ton clavier. Bah de toute façon, même t'as plein d'images qui te perturbent le cerveau, ça t'empêche de dormir. Pareil pour la télé, la luminosité, tout ça, c'est pas bon. Pareil pour les jeux vidéo. Pas bon du jeu vidéo, ça excite. Le portable, en fait, vous faites chier tout seul dans votre lit et vous attendez. Sans bouger quand vous voulez dormir. Moi, je compte les moutons. Et vous pouvez également compter les moutons. C'est pour Christelle qui avait du mal à dormir. Alors nous, on a du mal à dormir, les voisins font du bruit, c'est parti. Ah bah ça va chier des bulles. Oh, tu vas faire chier des bulles? Ah non, mais ça va bon, façon ça de parler. Ça va barder, quoi. Ça va barder, ouais. Ah, c'est une expression de Bourgogne, chier des bulles. Alors attention, ça va donc chier des bulles. Je note. Allô? Ouais, allô? Allô, Pierre? C'est oui. Pierre? C'est Pierre. Allô, Pierre? Oui. Oui, comment ça va? Ça va, mais qui est-ce? C'est un de tes voisins, Pierre. C'est les voisins qui arrivent pas à dormir parce que tu fais du bruit, Pierre. Ça te dirait pas de la mettre en veilleuse la nuit? Et Pierrot, t'as parce que tu sais que mon mari risque de monter et tu vas moins faire le mariol quand tu vas le voir. Ouais, j'ai pas dormi de la nuit, Pierre. Et je te dis que ça va chier les bulles. Ah, ça y est. Allô, Pierrot? Pierrot, fais pas le malin, hein. Faut ramène-moi, hein. Ah, bah, Pierrot, c'est évidemment, vas-y, mollo, mon chéri, parce que j'ai l'impression que Pierre a peur de toi. Ça ne m'étonne pas, étant donné ma carrure, t'as vu ça? Ah, bah, c'est clair. Pierre, bah, je crois que c'est bon, il fera plus de bruit, lui. Je pense écoute. Même. Pierre, écoute. Bonjour, la chérie de Pierre. Alors, on a fait des galipettes cette nuit. On vous a entendu, hein. C'est gênant, quand même. Vas-y, écoute. Oui, écoute. Bon, on vous souhaite une bonne journée, Pierre. Salut, Pierre. Et sa femme. Bah, je sais pas, c'est que des conneries, on a pris des billets, on est voisins et tout. Ah bah oui, on est les voisins. C'est qui, abruti? Eh hop, hop, hop. C'est les voisins qui ont pas dormi de la nuit parce que vous faites des galipettes. C'est ça, gros con, on va se faire foutre. Bah attends, t'as pas arrêté de crier toute la nuit, on t'a enregistré, hein. Ah ouais, et puis voilà les bruits que tu fais, hein. Ah ouais, on a tous les enregistrements si tu veux, hein. On peut aller voir les gendarmes ensemble, ma chérie, hein. Ah, voilà. Je crois que là, elle était mal à l'aise à la fin. Ah, qu'est-ce que j'ai déchiré. Vous avez vu ça comme j'ai déchiré un peu ce... Ah, bah non, mais c'est clair. Impressionnant. Hein. Ah, bah lave. Ma carrure, plus le coup des gendarmes. Hop là, hop là, c'est géré. L'affaire est dans le sac. Bon, plus de problème de voisinage, c'est bon. 6h-9h. Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Le diable me remet dans le mal. Et veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'étais

Ça, c'est une découverte Skyrock numéro 1 des ventes de sons en France et aux États-Unis. Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. Skyrock. Un bon réveil, un bon début de journée à vous tous. Il est 6h58. On est mercredi matin, le milieu de semaine. Il y a toujours cette espèce de moment où il y a le réveil qui sonne alors qu'on lui a rien demandé. Donc voilà, bah nous on est là pour vous mettre de bonne humeur tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h. Premier sur la déconne, même pendant l'été, avec les meilleurs moments du morning de Default. Une session de vente forcée simple mais efficace. Session de vente forcée à se faire dans les conseils pas chers de Romano. Une grosse nouveauté aussi, la nouvelle des Major Lazer. Boum! Un classique de Drake aussi, et le son Aga Dance Soul de l'été avec Ken Jones pour Don't Mind. Il y aura des places à gagner pour Rihanna dans le cours de la matinée. Et il y a un point sur l'actu et le sport tout de suite avec Rémi. Avec des bonnes nouvelles ce matin. Oui oui, des bonnes nouvelles. Enfin, le retour du soleil pour tout le monde aujourd'hui. Bon, alors on a encore quelques petits nuages là, très légers ce matin, mais pas d'inquiétude hein, sur la moitié nord, ça va très vite se dissiper. Et puis bah, cet après-midi, voilà, un beau temps partout, sauf peut-être dans le sud-ouest, sur le Mercantour notamment, où il y aurait quelques gouttes de pluie au programme. Les températures ce matin, on a dit 10 degrés à Rennes, 11 à Beauvais, 12 au Mans, 13 à Lille et à Niort, 14 à Bordeaux et à Paris, 16 à Strasbourg et à Lyon, 17 à Toulouse, 21 à Marseille, 22 à Nice. Dans l'après-midi, il fera 18 à Cherbourg, 20 à Brest, 21 à Lille, 22 à Lorient, 23 à Paris, 24 à Biarritz, 25 à Clermont-Ferrand, 27 à Bordeaux, 29 à Marseille et à Lyon, 31 à Toulouse et 33 à Avignon. La pollution, ça reste bon. Aujourd'hui, les indices sont compris partout entre 3 et 4. Il y a les dernières infos sportives à retrouver juste après l'actu. Et une plainte qui va faire du bruit alors que le soleil revient et que les vacances d'été ont officiellement commencé hier avec la fin de l'année scolaire. UFC Que Choisir s'est penché sur le marché très concurrentiel des crèmes solaires. Comme à son habitude, l'association tente de protéger le consommateur. Elle estime que les produits des marques Clarins, Bioderma ou encore Lovea trompent les clients avec de graves carences en termes de protection aux UV. Une plainte a été déposée contre 5 fabricants. L'association demande purement et simplement leur retrait des rayons. Le PEL qui a de plus en plus la cote, c'est le dispositif qui semble fonctionner en ce moment. 920 000 plans d'épargne logement ont été ouverts au premier trimestre de cette année. Cela représente 6% de plus que l'an dernier. Le taux du PEL est à 1,5%, soit le double de ce que rapporte le livret A. Finalement, c'est non. Fin du suspense du côté de Nicolas Hulot. Il ne se présentera pas à l'élection présidentielle en mai prochain. Annonce faite via un communiqué et qui ouvre donc la voie à une autre candidature chez les Verts. L'ex-présentateur de l'émission Ushuaïa estime être ni suffisamment armé, ni suffisamment aguerri. Il a affirmé la semaine dernière avoir été agressé par un couple à Montreuil. C'est désormais la victime présumée qui est en garde à vue depuis hier. Le gérant bénévole des Restos du Cœur de Montreuil aurait inventé cette histoire de toutes pièces. C'est en tout cas la conviction des enquêteurs. Il pourrait être mis en examen pour dénonciation de crimes ou délits imaginaires. Du sport et du foot, avec la première demi-finale de l'Euro ce soir, le Portugal de Ronaldo affronte les Dragons gallois de Gareth Bale. Deux monstres sacrés du ballon rond pour une seule place en finale. Ça va être très chaud. Le match aura lieu à Lyon et ce sera bien sûr à suivre en direct chez Default dès 21h. Un autre match à suivre demain à la même heure, France-Allemagne, toujours en demi-finale donc de 7 euros. Les Bleus se sont entraînés hier à Clairefontaine, gros entraînement. Et puis départ aujourd'hui pour Marseille où la rencontre est prévue demain contre les Allemands. L'essentiel assuré par les Bleus du basket. Tony Parker, Nicolas Batum et les autres sont en plein tournoi olympique à Marseille. Ils se sont imposés hier contre les Philippines, 93 à 84. Je vous rappelle qu'il reste 3 matchs à la France. Défaite interdite pour se qualifier pour le tournoi olympique. Enfin, ils peuvent perdre un match, mais après ça va être vraiment très compliqué. Enfin, il va falloir passer par des barrages et tout et tout. Prochaine rencontre jeudi contre la Nouvelle-Zélande, ce sera à 15h. C'est à Manille, pas à Marseille. Bah, j'ai dit Manille. Non, t'as dit Marseille. Ah bah Marseille, c'est bah non, Marseille, c'est le match France-Allemagne. Donc d'accord. C'est à Manille en effet. Voilà, c'est OK, t'es déjà dans la demi-finale de demain. Je te jure. Merci pour tout Rémi, on te retrouve tout à l'heure dans la matinée. Ouais. 6h 9h sur Skyrock Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons with me if they need a pile of. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckin' day. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. We'll come home to pass. Rider, break a cup. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan like a sign dollar where you a go do. Take a roadside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other man a gallus, I'm a stunter forever. Yeah, please, baby, don't leave. You got a booty, booty, boom, bam, bam. Morning Best, 6h-9h sur Skyrock. Conseil pas cher, livreur ce matin. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Allez, on y va, c'est parti chez qui? Allez, on va chez Gérard. Allez, ben Gérard, j'ai présenté le colis, il était pas là, il était obligé de payer. Payer 50 euros. C'est comme ça que ça se passait, ouais. Maintenant, il faut être là quand on vous présente des colis à la maison. Mais je suis sûr qu'un jour, ils vont le faire. Moi aussi. Allô? C'est tellement simple comme idée pour piquer des thunes aux gens. Gérard? Monsieur Allô Gérard. Oui, bonjour, c'est Gérard. On amène son sonotone à Gérard. Gérard. Ouais, qui c'est? Eh ben, c'est le livreur à l'appareil. J'ai un colis à vous amener parce qu'en fait, je suis passé il y a deux jours, il y avait personne à la maison, donc ce matin, il faut que je vous le ramène. Ah d'accord, on est là. Oui, oui, on est là. Ah, alors par contre, maintenant, il y a un tarif applicable, hein, vu que vous n'étiez pas là la première fois. La deuxième livraison est à nouveau payante, c'est 50 euros pour le colis. Ah bah écoutez, oui, il fallait être là, messieurs, dames. Hein. On vous avait prévenu, on vous avait... C'est un colis de où? Ah bah un colis, moi je sais pas, monsieur, je suis juste livreur, je l'ai pris au dépôt ce matin, ça, c'est une boîte marron. 50 euros? Ah oui, bah ça, j'y peux... Moi, écoutez, c'est pas moi qui fais les tarifs, malheureusement, hein, sinon ce serait plus cher. Bah c'est la première fois qu'on va t'en parler de ça. Ah bah, moi écoutez, je peux être chez vous dans 10 minutes, un quart d'heure, j'amène le carton, c'est un beau colis, hein, vous allez être content. Et il faut me donner les 50 euros, moi vous signez, puis c'est ok, hein. Laurence ? Allô ? J'entends votre femme, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Alors, je viens ? Parce que, par contre, faut être là, hein. Si je repasse une troisième fois, ça sera 100 euros la troisième fois. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah ben, oui, c'est... Oh là là, c'est du vol, là. Ah, là c'est du vol, c'est bien pour ça qu'on oblige les gens à être là dès la première fois maintenant. Vous, pas de bol. Hein. Quel nom vient de marquer sur le colis ? Ah ben là, je l'ai pas, il est dans la camionnette derrière. Il y a écrit Gérard. Il y a Gérard. Gérard. C'est Gérard. Bon, écoutez, je ne rigole pas. Si vous continuez à rigoler comme ça, moi je vais déposer une plainte. Oh, non, mais... plaisante. Bon, alors. Non, monsieur, je ne plaisante pas. Alors, monsieur Gérard, excusez-moi là, parce qu'on discute, mais nous, on a quand même une tournée à faire. Donc, oui, la tournée des bars après avoir Vous n'avez pas besoin de vous foutre de la gueule des clients. Ah, mais si, Gérard. Arrête. Vous fermez votre gueule ou bien j'appelle les gendarmes? Bon, Gérard, le colis, bah, je vais l'amener. Et puis, vous l'amenez, puis les gendarmes, ils seront là en même temps pour vous accueillir. C'est eux qui me donnent les 50 euros, c'est vous du coup? Comment on fait? Eh ben ça, on verra avec les gendarmes. D'accord, très bien. Bah, vous appelez la gendarmerie Donc, la police combien de kilos? On ira boire un verre avec eux après, tiens. Votre femme, je crois que j'ai une bouteille en cadeau pour être dans le... Oh non. Allez, on est, c'est royal, Gérard. La bouteille, les 50 euros, tout va bien. Ah ben voilà, c'est le bonheur. Je suis là dans 10 minutes. 50 euros, je paye pas 50 euros pour un Ben, ça... Ah ben, qu'elle prenne le téléphone, on l'entend mal. Mais vous nous donnez le prénom qui est dessus. Mais Gérard. C'est Gérard. Salut Gérard. Ciao Gérard. Salut Gérard. Et ben voilà, c'est fait pour Gérard. Ouais. Il va recevoir son colis, Gérard. Sa femme va être contente. Ah ben, heureux comme tous les deux. Bon, ben voilà, conseil pas cher réussi. Ouais. 6h-9h, Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. Morning best. Morning show. Les meilleurs moments du morning de Difool. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, come on, star. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go,

Et ben voilà, tu es en train de perdre des amis petit à petit. Ah bah c'est peut-être pour ça, c'est parce qu'on sort beaucoup et après on sort un peu moins, on se casse avec la femme, les enfants, le chien. Ouais, c'est la totale. Le chat, le taf, ouais. Donc c'est à 25 ans qu'on a le plus d'amis. Bon. Ah bah c'est pour ça, moi je les ai pas encore atteints. Donc, bah oui Romain, tu verras, à 25 ans, tu auras encore plus des amis, tu en auras partout dans ton pays. Ça sera la folie. Ouais. Bon Joe, c'est gagné, tu vas donc pouvoir jouer contre Romano ce matin. Ah non. Non, contre Cédric ce matin. Non, moi je compte les points et je compte l'argent. Je me suis trompé de génie, j'ai tellement de génie avec moi. Bon, Joe, déjà, bonne nouvelle, t'as déjà gagné 50 euros, quoi qu'il arrive, avec la question à laquelle t'as répondu, là, les 25 ans. Oui. C'est cool, Romano, tu merdes. C'est déjà mieux que rien. Bon, les 50 euros, tu les gardes. Maintenant, tu vas les multiplier. À chaque bonne réponse, on t'offre 50 euros en plus, à une condition, celle que tu bats de Cédric. C'est le jeu de Cédric, jingle de Cédric. Cédric. Cédric. Il se soucie tellement peu de son apparence que des algues vertes lui poussent sur le poil. Et pour couronner le tout, il est couvert de bestioles. Le morning de Diffoul sur Skyrock. Et en plus, il pue. Et oui, pour terminer. C'est un peu gentil, ça. Eh bien, la première question qu'on va vous poser, c'est une question sur l'eau, justement, pour se laver. Ah, exemple. Oh, c'est quoi ça? C'est de l'eau, c'est une espèce de truc transparent qui mouille, Cédric. Bah bon, tu vois. Ouais, je connais, t'inquiète. Bon, alors, attention. 30 secondes. Des fois, c'est chaud, des fois, c'est froid. Voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est ça, ouais. Des fois, même tiède. Parfois aussi, ouais. Alors, on commence par Cédric. 30 secondes pour toi, il y aura 30 secondes pour Joe juste derrière. Alors, 30 secondes, c'est parti, le compteur est prêt. 3, 2, 1, top question. Pour quelle marque d'eau Julien Lepers vient de faire une pub? Je suis. Et par Volvic. Ah, Volvic, ça, j'allais dire. Sport, qui a marqué deux buts pour l'Atlético face au Barça? Ah, j'ai oublié le nom, putain, c'est le français. Griezmann. Griezmann, oh, un point. Lettre O, donne-moi un animal qui commence par la lettre O. Ours. Ours, bonne réponse. Jeux télé, combien y a-t-il de trappes dans l'émission Monnaie d'Europe? 8. Non, 4. Petite question qui concerne le. Je crois que quand tu regardes l'émission, tu louches. Ouais, t'as un peu joué. Tu vois tout en double. Et oui, parce qu'il y en a 4. Ouais, 4. Ah, non, je sais pas, je regarde pas trop. Et pour la dernière question, il n'y en a plus que 2. Ouais, Julien Lepers. C'est Volvic, Jussi. C'est pour Volvic. Ouais. Ah, je suis. Volvic. Volvic, Jussi. Jussi, voilà. Bravo, Cédric. Quand même pas mal. 2 points, ouais. 2 points, ouais. 2 points. T'as déjà fait pire. Bon, il faut faire mieux, Joe. C'est à toi maintenant. Ouais. 30 secondes. Hein. Question O pour démarrer, toi aussi. Et chaque point te rapporte 50 euros. N'oublie pas, garde bien ça en tête. Ouais, je vais aller très vite, t'inquiète. Allez, 3, 2, 1, top chrono. De quelle marque d'eau s'agit-il? C'est la marque d'eau avec des bébés dans la pub. Evian. Oui, bonne réponse. Quel est le footballeur qui a officialisé sa non-participation à l'Euro 2016? Benzema. Bonne réponse. Lettre O, donne-moi un comédien qui a joué dans Intouchables et qui commence par la lettre O. Prénom. Je passe. Omar Sy. Combien y a-t-il de coups dans l'émission de midi de TF1? 12. Bonne réponse. Points. Combien y a-t-il de côté à un quadrilatère? 4. 4, bonne réponse. Allez, c'est validé. Donc ça fait. Attention, 4 points, donc 200 euros. Oui. Plus les 50 euros de la question de sélection. Égale. 250 euros. Bip, bien. Bip. Ouais. Bravo. Le compte est bon. 250 euros. Bravo, Joe. Au réveil ce matin, on te fait un chèque de 250 euros. On te le signe, on te l'envoie à la maison. Eh ben voilà, bravo. La bombe, les gars, c'est merde. Et de la bombe, de la vraie, ouais. Bien joué. Félicitations, Joe. Et qu'est-ce que t'avais loupé? Ah oui, c'est Benzema, là, le... Non, c'est Omar Sy. Omar Sy. Ah oui, Omar Sy. Ouais. Prénom. Ouais. Eh ouais. Bravo, Joe, en tout cas. 250 euros qui filent à la maison. On te souhaite une bonne journée. Ciao. C'est cool. Salut, salut, Joe. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Diffoul sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. You Came For de Rihanna sur Skyrock. Rihanna qui débarque en France, elle approche, elle sera en concert Skyrock le 15 juillet du côté de l'Alliance Riviera de Nice. Continue à faire péter le hashtag sur les réseaux sociaux pour vous inscrire. Le hashtag c'est DiFoolBest. Il y a Céline, il y a Lucie, il y a Bébert de 3 qui s'est inscrit également. Le hashtag c'est DiFoolBest sur Yax ou sur Twitter. Ça valide automatiquement votre inscription pour la première roulette de la matinée. Puis il y aura également des inscriptions au 41 7 5 9. C'est premier. On jouera tous ensemble d'ici à 9h. Les meilleurs moments du morning de DiFool. Skyrock. Yeah, Skyrock, il est 7h30, un bon réveil, un bon début de matinée à vous toutes et vous tous. On est mercredi matin, le 6 juillet, le plus dur est fait, hein, le milieu de semaine, les meilleurs moments du morning de DiFool pour attaquer la journée, tout ce qui vous a fait le plus marrer tout au long de la saison. On va jouer avec les zizi des célébrités. Faudra deviner s'ils en ont une petite ou s'ils en ont une grosse. Par exemple, Leonardo DiCaprio, Cyril Hanouna, Enrique Iglesias ou encore Piqué, le mec de Shakira. On va jouer avec DiFool et Romano juste après l'actu et le sport. Pour le son, ça sera Niska. Moustapha Jefferson. Niska. Juste après l'actuel sport, on y va tout de suite, Rémi. Ouais. La météo pour ce matin. Ah, la météo. Bonne nouvelle. Tout le monde va être baigné par le soleil aujourd'hui, même si on a encore quelques légers nuages dans une bonne moitié nord. Ils vont se dissiper au fil des heures et finalement, il va faire beau presque partout, presque, parce qu'il peut y avoir quelques petites gouttes de pluie quand même cet après-midi, dans le sud-ouest, notamment sur le Mercantour. Les températures ce matin, on a 11 degrés à Caen, 12 à Orléans, 13 à Lille, 14 à Saint-Etienne et à Paris, 16 à Lyon, 17 à Montauban, 20 à Nîmes et 21 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 18 à Dunkerque, 19 au Havre, 21 à Lille, 22 à Rouen, 23 à Paris, 24 à Nantes, 25 à Auxerre, 27 à Bordeaux et à Limoges, 29 à Marseille et à Lyon, 32 à Montpellier, 35 du côté de Nîmes. La pollution, ça reste bon aujourd'hui. Les indices sont compris partout entre 3 et 4. Florida, Maya, où ça se prépare, Vita et Joule aussi avec Salé Dérange. Tout ça retrouvé juste après l'actu. Et une bonne nouvelle pour les nouveaux bacheliers. Près de 8 candidats sur 10 ont obtenu leur diplôme. Un chiffre qui sera en hausse dans quelques jours à l'issue des oraux de rattrapage qui commencent dès ce matin. Les droits d'inscription à l'université n'augmenteront pas à la rentrée pour la deuxième année de suite. Promesse faite dans le Parisien ce matin par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. 25 000 étudiants supplémentaires toucheront d'ailleurs une bourse dans les prochains mois. Cela concerne ceux dont les parents gagnent moins de 33 000 euros par an. Le passage en force une nouvelle fois du gouvernement en faveur de la loi travail. Manuel Valls a fait usage hier de l'article 49.3 afin d'éviter un vote des députés faute de majorité. Le Premier ministre engage donc la responsabilité de son gouvernement. La même question revient à chaque fois. La gauche va-t-elle déposer une motion de censure? Eh bien, c'est possible à en croire les frondeurs. 58 signatures sont nécessaires et la dernière fois, il n'en manquait que deux. La droite a déjà annoncé qu'elle ne déposerait pas de motion de censure. L'emploi des cadres va-t-il retrouver du dynamisme? Oui, selon l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Un rapport a été publié hier. Il prévoit l'embauche de 200 000 cadres cette année, soit une augmentation de 10% par rapport à l'an dernier. Le record de 2007 devrait être battu en 2017 si la dynamique reste la même. L'APEC émet tout de même une petite réserve à cause de l'effet Brexit. La fin du parcours judiciaire pour l'ancien super flic Michel Néret a été condamné hier à 2 ans et demi de prison ferme pour corruption. Il était jugé pour avoir fourni des informations à des indics en échange d'avantages et de cadeaux en liquide. L'ex numéro 2 de la PJ lyonnaise ne retournera pas derrière les barreaux. Il a déjà effectué 8 mois de préventive et sa peine est aménageable. Du sport et du foot avec la première demi-finale de l'Euro ce soir. Le Portugal de Ronaldo affronte les Gallois de Gareth Bale. Qui des deux plus grands, enfin presque les plus grands joueurs du monde vont se retrouver en finale. Le match aura lieu à Lyon et sera à suivre en direct chez Difool dès 21h. Côté bleu, ça s'est bien entraîné hier à Clairefontaine. Départ aujourd'hui pour Marseille où la rencontre est prévue demain contre l'Allemagne. Et toi, tu restes ici Rémi, on va te retrouver tout à l'heure pour l'actu et le sport. À tout à l'heure. 6h-9h, The Morning Show, le morning de Difool sur Skyrock. Du Matuidi Charo, Niska sur Skyrock avec Mustapha Jefferson. Le Matuidi Charo, c'est la danse que fait Matuidi chaque fois qu'il marque un but avec le Paris Saint-Germain ou avec l'équipe de France, et on espère que ça va danser demain soir du côté du Stade Vélodrome de Marseille. La France contre l'Allemagne, demi-finale de l'Euro, on suivra ça en direct avec Difool et toute l'équipe dans la Radio Libre, hein, la Radio Libre de retour en direct hein, tout à l'heure sur Skyrock à partir de 21h. On est mercredi, il y aura notamment le clash de la drague, le top bug de Romano ou encore le double appel de la déconne et du son tous les matins sur Skyrock. Le morning best avec les meilleurs moments du morning de Difool, de la déconne maintenant avec Difool et Romano, et du son derrière c'est Florida avec My House. On va parler aujourd'hui d'une enquête qui a été sortie, bah qui est sortie là, une enquête sur les Français et leurs zizi. Ouais. Et ouais, parce que quand on est garçon, on s'intéresse beaucoup à la taille de son zizi. Il suffit qu'on aille voir des trucs un petit peu pornographiques sur les sites, sur des sites qu'on tombe au hasard, bien sûr. Ah bah bien sûr. Sûr. Pas exprès. Tu vas aller malchance. Bah tu vas aller sur YouTube, tu tapes porn à la place, bam, tu t'en fous, c'est un truc horrible. Et tu vois des machins énormes et tu te dis, oulala, et moi c'est comment là? Et on a demandé aux Français, pas nous, hein, mais un institut de sondage pour l'INSEE qui a demandé aux Français qu'est-ce qu'ils pensaient de la taille de leur sexe. Est-ce qu'ils sont fiers, complexés, encouragés ou pour eux ça va à peu près bien? D'après vous, est-ce que les Français sont fiers de la taille de leur zizi? Oui. Oh, j'imagine que oui. Bah, je dirais oui. Eh bien oui, bonne réponse Romano, ils sont fiers à 25%, c'est-à-dire qu'ils se disent plus fiers que la moyenne à 25%. Ouais, c'est pas mal, bah sur 4. Ouais. Par contre, il y en a 1 sur 6. Ça va pas. Aïe. Il y a 16% des hommes qui sont complexés par la taille de leur pénis. Tu voulais nous en parler ce matin, Romain? Non, moi je t'assure, je suis pas complexé. Bon, je sais que je suis pas extrêmement bien monté. Je dirais que je suis monté comme un poney. Oh, oh. T'as vu la taille d'un poney, Romain? Un petit poney. Oui, mais bon, Difool, toi, tu serais un cheval, quoi. Ah, ah bah, c'est un étalon. Oui, ou un éléphant. Ouais, ouais, carrément. Un éléphant, ouais, j'imagine que ça doit avoir un gros truc, quoi. Bah, c'est une grosse trompe devant. En tout cas, elle est là, ouais. Ouais, ouais, ouais, parce que si ça a toute petite bite, c'est ridicule. Bon, il y a un Français sur 6 qui est complexé. Alors que, comme vous le disiez sur les messages, les filles, vous êtes plusieurs à avoir dit ça. Ce qui compte, c'est l'efficacité et pas la taille. Ouais, la taille ne compte pas. Priscilla qui vient d'envoyer le message aussi. Je vous souhaite son anniversaire. Priscilla. Je viens de la voir, elle est dans les transports. Bon anniversaire, Priscilla. Bah, comme disent ceux qui ont une petite bite, moi le premier, vaut mieux en avoir une petite travailleuse, une grosse feignante. Ah, j'ai eu ça dans les messages. Ouais, bah, ça, c'est un classique, ouais. Oui, bah, dites-vous, ceux qui vous disent ça en général n'en ont pas une grosse. Ouais. C'est vrai, ceux qui disent ça n'en ont pas une grosse. Charognard, on est très fiers. Il a 21 ans, il nous fait 26. Waouh, wow. 26 cm. C'est énorme. Bah, plus du double de Romano, c'est dingue. C'est une sacrée belle bite. Sacrée. Comme tu le dis, moi je suis pas du tout complexé, nous dit Jules. Content pour moi. 19 pour Fundi qui vient d'arriver. Cédric, t'as une belle bite. Ouais, ça va. Tranquille. Ah, plutôt fier. Regardez, Prissou, elle a 21 ans, nous fait la taille ne compte pas. Bien dit, dit Foul. Ah bah, tu ferais une brise à ton copain. Ouais, bien dit ça. Sur son petit zizi, alors. Hein. Bon, on a Paul au téléphone avec nous. Bonjour, Paul. Bonjour. Je suis sûr qu'il appelle pour se vanter. T'appelles pour te vanter, Paul? Bah, pas vraiment, quoi. Ah, ah mince. Pourquoi, combien, Paul? C'est le contraire. Ouais, 20 cm. Oh, bah, attends. Ça va, c'est bon. Ouais, 20 cm, je crois que c'est plus complexé, toute petite. Tu es 4 cm au-dessus de la moyenne des Français, à peu près, hein, Paul. Ouais, ça va. Ah, écoute. Ah, ah, tu vas te la péter ouais. Aujourd'hui, tu vas à l'iPod et dire, ouais, bah, sur Skyrock, ils m'ont dit que j'ai une grosse bite. Ouais, ouais. Ouais. Alors, on va faire un petit quiz avec toi, Paul. On va jouer ensemble. Je vais te donner des noms de stars et tu vas me dire s'ils sont connus pour avoir un petit zizi ou un gros zizi. Ouais. Ok. Alors, on va commencer. Celui-ci, il est facile parce qu'on en parle souvent. Il a même utilisé son zizi pour un truc. Je vais vous dire dans un instant. Enrique Iglesias. Eh, si, canal. Petit. Eh oui, petit. Ouais. Ah, bah lui, de toute façon, il l'assume. Hein. Ah, bah lui, il a dit. Il a dit dans toutes les interviews. Tu peux pas l'interviewer, Enrique Iglesias, sans qu'il te parle de sa bite. Et il avait même lancé une marque de préservatif pour petite taille. Eh ouais, il avait utilisé son petit zizi pour les autres petits zizi. Il est solidaire. Ouais, ouais, ouais. Il paraît qu'il a un tout petit sexe, hein, 10-11 cm. C'est ce qu'il dit, mais je me demande s'il dit pas ça pour qu'on le laisse tranquille un peu. Ah ouais? Donc, ouais. Ouais, c'est général, tu t'évites de dire ça. Ouais, quand t'as une petite bite, tu le dis pas, et quand t'en as une grosse, tu t'en vantes plutôt. Écoute, Paul, il arrive là sur Sky. Ouais, moi, 20 cm. Ouais, je trouve ça un peu petit. Hein. Ouais, bon, normal, tu vois. Bon, un point pour Paul. On a, tiens, Gérald Piqué, le chéri de Shakira. Grosse. Ouais, il est surnommé El Piqueton parce qu'il a un gros machin. Bah, il y avait eu des photos quand il allait chercher Shakira à l'aéroport où, il avait, dépasse, ouais. Où il avait un barreau dans son jean, quoi, dans son fut. Ah, il était content de la retrouver. Hein. Ah, bah, ça, elle a dû prendre cher, ouais. Ouais, Gérald Piqué, c'est impressionnant. Gros calibré. Tiens, un président, François Hollande, j'en sais rien. Par contre, Bill Clinton, j'ai pris des renseignements. Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis, le mari de Hillary. Ouais. Petit ou gros? Bah, je sais pas, je dirais gros aussi. Et non, Bill Clinton avait un code tout petit zizi. Ah ouais? Ah ouais? 12 cm et demi selon la stagiaire Monica Lewinsky. Vous savez, c'est la stagiaire qui lui faisait des cigateries. C'est ça. Et à qui il mettait des cigares. Exactement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, une star du cinéma, Leonardo DiCaprio. Petit ou gros? Gros. Oui, oui, il paraît qu'il en a une très très épaisse, Leonardo DiCaprio. De mieux en mieux, lui. C'est plusieurs ex qui font des témoignages. Moi, ça me fait délirer, ça. Les meufs qui font des interviews pour dire, bah oui, Leonardo DiCaprio, c'est un beau morceau, dis donc, hein. Ah, en tout cas, lui, il se tape des sacrées meufs, quoi. Eh ben, écoute, c'est parce qu'il en a une grosse, Romano. Ah, ça y est, putain, j'ai bien fait de dire ça, moi. Et attends, on va terminer avec qui? Vous voulez qui? Une star française maintenant? Allez, j'en ai quelques-unes, vous choisissez. C'est Cyril Hanouna. Si tu veux, Cyril. Alors, Cyril Hanouna. Un gros ou petite? Je dirais petite. Moyenne. Donc j'accepte petite ou grosse, moyenne. Il l'a dit cette semaine dans Touche pas à mon poste. Ouais. 17 cm. Ouais. 17 cm alors que t'es en train de bouffer après, le soir. Après c'est ce qu'il a dit. Hein. 17 cm. Après t'es voir dans son ben. Il faut vérifier. Ouais. Voilà. Alors du repas du soir, il t'a proposé sa petite saucisse de 17 cm. Donc dans la bonne moyenne. Bon bah écoute Paul, tu pourras dire que t'as une plus grosse que Cyril Hanouna, qu'Enrique Iglesias et que Bill Clinton déjà ce matin. Mais n'empêche que t'as eu tout bon. Hein. Ouais. Et t'as une fausse réponse. Lui. Ah une fausse réponse. Tu es quand même Paul, le roi de la bite. C'est ton titre aujourd'hui. Tu pourras dire à tes amis, j'ai été élu par Skyrock ce matin. Non, la bite, c'est toi, Paul. Donc ne complexez pas, vous avez vu les messages des filles. Hein, c'est plutôt l'efficacité qui compte que la taille. Ça, c'est pour rassurer tout le monde. Ouais, c'est ça. Attends, il y avait une autre phrase pas mal. Là, la petite travailleuse, il y avait. Ouais, ce qui compte, c'est pas la taille du bateau, c'est le mouvement de la vague. C'est bien ça. Ouais, c'est ouais. Beau. Hein. C'est bien, vous êtes. Ah, bah, c'est de la poésie là. Ah, vous êtes poète ce matin. Ouais, ouais. Bon, Paul, t'as gagné. On va t'offrir Disneyland Paris, Polo. Eh ben ouais. Et ouais. Eh ouais. Ouais, putain. Et ouais. À n'importe quel moment du morning, vous pouvez gagner Disney. Eh bien, Disney, c'est pour toi. Tu pars tout un week-end à Disneyland Paris avec qui tu veux. Le parc, les deux parcs même. Les bouffes, petit déjeuner, dîner, repas de midi, enfin la totale. La totale, ouais. Et puis, les, et puis et l'hôtel. L'hôtel pour que tu puisses dormir avec ta chérie ou un pote. Et qui tu veux, tu vas à Disney. Bravo, Polo. Ok, d'accord, bah merci. En gros, c'est tout gratuit. Ouais, ça vaut le coup de laisser des messages à Sky. Hein. Vous nous laissez tout ça. Et puis, tu te retrouves avec nous. Bonne journée, Paul. Merci à vous aussi. Salut Polo. C'était Paul. Ciao. 20 cm. C'est, ouais. C'est lui. C'est bien lui. Salut Polo. Ciao. 6h-9h. Oh, les shows. Le morning de Difool sur Skyrock. Open up the champagne. Pop. It's my house. Come on. Turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby. Cheers to this. Sometimes you gotta stay in. Where I live, yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby. Take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Welcome to my house. Welcome to my house. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in. And you know where I live. What we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby. Take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Come on, come on. Welcome to my house. Duck off the crib, despite the pad. But my house is your house if you throwing it back. Another shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down. Hit the brakes, we don't relax. Have to go around. Cheers to this. Welcome to my house. Mayaous, Florida, sur Skyrock, le rappeur de Miami, mercredi matin, du beau temps sur toute la France, ça fait plaisir, l'arrivée de l'été enfin, le vrai été, et le Morning Best qui continue tout ce qui vous a fait le plus marrer dans le Morning de Difool, un réveil de star dont on nous parle souvent, c'est le réveil de star de Jean-Marie Le Pen. On a utilisé sa voix, on a isolé des bouts de voix de Jean-Marie Le Pen, et on l'a utilisé pour réveiller une famille prise au hasard. C'est dans quelques secondes, votre horoscope de l'amour aussi, est Vita et Jules avec Ça les dérange dans 1 minute 22. Écoute, ça se passe dans la radio libre de Difool. Alors Jules, tu voulais une grosse moto et on t'a ramené. Hein ? Un petit zip là, tranquillement, on va tout péter avec, on va cabrer, on va le mettre en Y. Tous les soirs. Donc tu vas le mettre en Y, alors c'est très bien parce que c'est Cédric qui a payé la caution. Eh vas-y Jules. Tu veux que je monte derrière ? 21h minuit. Il est tout blanc, Difool. Ça fait des roues arrière et il est en panique s'il te plaît. Difool, Difool. Tu sais, il a accroché comme une meuf. Adieu. Tous les soirs, Difool Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est la loose. Pour Lidl ? Bah pour nous, oui. Parce qu'en ce moment, pour fans de barbecue, les 4 saucisses de Toulouse Origine France sont à 2,75€ les 480 grammes. Moins de 70 centimes la saucisse. 4 saucisses de Toulouse à seulement 2,75€. Toulouse hors de Toulouse, telle est la question. Moi j'ai la réponse, hein. Direction Lidl, oui. À ce prix-là, les saucisses de Toulouse, moi je les invite toutes à mon barbecue. Eh ben on est mal. Ah oui, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 5,73€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limiter les aliments gras, salés et sucrés. Tal. Time to wake up. son nouveau tube Are We Awake, enfin disponible sur les plateformes digitales. Tal. Ouais. Les meilleurs moments du morning de Difool. Morning best. 6h-9h sur Skyrock. Et juste avant le fameux réveil de star de Jean-Marie Le Pen avec Difool et Romano, c'est l'heure de votre horoscope de l'amour. 7h48, on est mercredi matin le 6 juillet et 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les Gémeaux et pour les Scorpions avec une vilaine qui va vous tirer dans les pattes. 1 sur 5 les Poissons et les Verseaux qui paniquent à l'idée qu'on vienne taper dans leur sandwich. 2 sur 5 de puissance amoureuse pour les Taureaux et pour les Sagittaires avec quelqu'un qui pourrait vous inciter à faire de la merde. 3 sur 5 les Cancers et les Balances, c'est le moment de prendre vos couilles à deux mains et de prendre l'initiative, vous serez récompensé. 4 sur 5, les Lions et les Capricornes, avec des regards qui fusent, on vous scrute de la tête aux pieds, vous aurez un petit peu l'impression d'être une resta. Et enfin, les Vierges et les Béliers, priorité numéro 1 de celui ou de celle que vous kiffez, vous allez passer une chouette journée, les Vierges et les Béliers, avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. Juste avant 8h, Vita et Jul avec Salé Dérange et le réveil de star avec Difool et Romano, c'est maintenant. Bon allez, c'est l'heure de réveiller les familles de France, le réveil de star du jour. Le réveil de star. Une star, un appel. On écoute. Et on appelle Régis. Allez. Régis, qu'on a réveillé ce matin avec Jean-Marie Le Pen. Est-ce que le contact va être bon? Je croise les doigts, j'espère que oui. Allô? Bonjour. Bonjour. Est-il exact que vous ayez la double nationalité? Ah non. Vous êtes algérien ou vous êtes français? Vous êtes turc ou vous êtes français? Vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Je suis français. Vous plaisantez ou quoi? Si ça vous fait plaisir, venez. Ça fait rire toute la France. Bah ouais, ça me fait rire. C'est quoi le problème? J'ai qu'une bourse. Oh. Ouais. Deux secondes, arrête de me parler dans les oreilles, deux secondes. Allô? Là, la petite, là, qui est là, elle ferait mieux de porter une burqa. Ouais, mais y'a pas de souci, elle me le dit en face maintenant. N'est-ce pas? Je parle avec qui? Le Jean-Marie Le Pen. Ouais, ben, viens. Viens, Jean-Marie Le Pen. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas! Ah, c'est con, je suis pas où. Ah non, c'est rien l'histoire. C'est rien l'histoire! Allô? Joyeux Noël. Pardon? Il est né le divin enfant, joué au bois raisonné, Buzette. C'est quoi là? Au lieu de jouer le bill, tu sais quoi? Si t'es si malin que ça, t'as mon numéro de téléphone, donc t'as mon adresse. Donc au lieu de jouer le bill à faire du je suis Jean-Marie Le Pen machin, alors vas-y maintenant, si t'es un vrai bonhomme, vas-y viens chez moi, t'as mon numéro de téléphone, t'as mon adresse. Tiens, je vais t'enterrer dans mon jardin, c'est quoi ton problème? C'est quoi le problème? Passe-moi le téléphone. Criez moins fort, ça va réveiller un certain nombre de personnes qui dorment tranquilles. Eh bien, allez, viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Ferme ta gueule, viens, je t'attends. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est quoi le problème? Pourquoi vous nous appelez? Je n'ai pas fait la déclaration. De dire qui vous êtes et pourquoi vous nous appelez. J'ai le droit de vous nous dites même pas qui vous êtes et vous nous dites même pas pourquoi vous nous appelez. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Mais si c'est pour entendre dire des conneries, allez-y, je vous écoute. J'ai qu'une bourse. Ah, mon pauvre monsieur, bah, je suis désolé pour vous. Ça va vous bien vous embêter, tout ça. C'est un autre problème, c'est un autre jugement. Ouais, salut, pauvre con. Oh. Jeanne, au secours. Jeanne, au secours. Ah, bah oui, bah, c'est sûr, Jeanne d'Arc va le sauver. Mais bien sûr, c'était donc... Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il a vol. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, un très beau réveil de star aujourd'hui, ce matin. Beaucoup de succès auprès des familles. Oui, ils ont adoré. Hein. Ah, ouais, ouais. 6h-9h, Morning Show, le morning de Difool sur Skyrock. Quand je parle, je fais rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me tais quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, nanana. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés, dans de sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Ça les dérange, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je sais qu'ils pensent sur notre dos.

enfants au parc Disneyland ou au parc Walt Disney Studios. En ce moment et pour une visite jusqu'au 28 septembre, profitez des deux parcs pour le prix d'un seul. Alors n'attendez plus. Conditions et réservations dans certaines billetteries sur disneylandparis.com. Le morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. I got broads in the Atlanta, just a Dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets, legacies, family, way and see, pockets full, Danny, selling ball, candy, been on the macho like Randy, the chopper go out to for granted, in the bullet you ban it. Killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted to be in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, way see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, way see, family, package full, Danny, selling ball, candy, may not the macho like Randy, the chopper go out to for granted, the nigga pull up your band, hope the killers understand it. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I got broads in Atlanta. Just a Dolly in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Family. Way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies. Family. Way and see. Panda. Package full. Danny, selling ball, candy. Man, not the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. The nigga pull up your band. Hope killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted Dolly in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man, not the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your band. Hope the killers understand me. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Morning best. Morning best. 6h-9h. Morning show. Les meilleurs moments du morning de Difool sur Skyrock. 8h01, mercredi matin, ça y est, le plus dur est fait. On est mercredi, le milieu de semaine. On est avec vous, avec tout ce qui déchire. Premier sur la déconne, tous les matins entre 6h et 9h, le morning best. Avec les meilleurs moments du morning de Difool, on prépare le match demain soir avec Romano qui va faire de la vente forcée, de la vente de pizza dans ses conseils pas chers. On va vous passer le son de Maître Gims aussi. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité. Ma beauté, tirée de la bande-son de Camping 3 juste après l'actuel le sport. Rémi, ouais. C'est parti. La météo, pour une fois, tu arrives avec de bonnes nouvelles. Eh ben oui, pour une fois, de très bonnes nouvelles, même du soleil partout, même si on a encore quelques légers nuages là dans une bonne moitié nord. Ils vont d'ailleurs se dissiper au fil des heures et puis au final, ce sera une très belle journée, hein, du soleil pour tout le monde. Les températures ce matin, 10 degrés à Rennes, 11 à Beauvais, 12 au Mans, 13 à Lille et à Niort, 14 à Bordeaux et à Paris, 16 à Strasbourg et à Lyon, 17 à Toulouse, 21 à Marseille, 22 à Nice. Dans l'après-midi, il fera 18 à Cherbourg, 20 à Brest, 21 à Lille, 22 à Lorient, 23 à Paris, 24 à Biarritz, 25 à Clermont-Ferrand, 27 à Bordeaux, 29 à Marseille et à Lyon, 31 à Toulouse et 33 sur Avignon. Et puis la pollution, ça reste bon, les indices sont compris partout entre 3 et 4. Rihanna, Drake, Mike Posner et Justin Timberlake, tout ça, c'est le son prévu d'ici à 8h30. Et là, c'est parti pour l'actu. Et tout d'abord, une bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans. Ça y est, c'est la fin du jeûne. Donc aujourd'hui, c'est la fête de l'Aïd, le jeûne, le ramadan, le mois sacré est enfin terminé. Une plainte qui va faire du bruit alors que le soleil revient et que les vacances d'été ont officiellement commencé hier avec la fin de l'année scolaire.

Et maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Ouais, ouais, ouais. Les meilleurs moments du morning de Difool. Morning Best. 6h-9h sur Skyrock. Bon, on fait des conseils pas chers, la bouffe est quelque chose de tout à fait novateur. Oui, pour vendre des pizzas. Oui, pizza, ça vient des Royaumes-Unis. Oui. Une toute nouvelle gamme de pizzas est née, les pizzas avec un portrait intégré dedans avec le fromage. Alors le gars fait la pizza Rihanna, la pizza Lady Gaga également. Moi je prendrais plus la Rihanna personnellement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que dans la pizza Lady Gaga, il paraît qu'il y a trop de champignons. Ouais, il y en a beaucoup. Non, mais c'est vrai, il y a trop de champignons. Ah, bah c'est pour coller à la réalité. Hein. Oui, c'est ça, ouais. On va vous mettre les photos là sur les réseaux sociaux là. Oui. Et donc ce matin, je m'en vais vendre des petites pizzas avec des stars dans la pizza. Est-ce que ça va bien partir? Bah, j'espère. Ça. C'est les conseils pas chers. Allez, chantons. Allez. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. Ouais, il y a Pierrot de Mars qui dit invente la pizza Cédric avec du gras dedans. Ouais, le problème c'est que Cédric au niveau des familles est peut-être pas super connu quoi. Oui, on va faire avec les vraies stars. Ouais, déjà Rihanna et Lady Gaga, bon. Voilà, ouais, Lady Gaga, on sait jamais, hein. Ça dépend sur qui on va tomber, hein. Bon, c'est parti, on va chez qui Cédric? Jean-Louis. C'est Jean-Louis. Jean-Louis, allez, c'est parti. Bonne chance pour les conseils pas chers. Allez. C'est bon. Allô? Oui, bonjour, c'est la femme à Jean-Louis? Non, c'est Jean-Louis lui-même. Hein. Ah, c'est Jean-Louis lui-même. Excuse-nous, Jean-Louis. Ah bah Jean-Louis, t'as une voix de femme ce matin, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? T'as une voix de gonzesse un peu, toi? Ah, j'ai toujours une voix comme ça. Hein. Ah ouais, bah, elle est moche. Hein. Et j'en fais rapide. Bon, au Pizza Yolo, là, Pizza Casa di Mario à l'appareil. Oui. Ouais, tu connais Lady Gaga? Qui ça? Lady Gaga, la chanteuse. Oui, pourquoi? Ouais, parce que j'ai fait une pizza avec sa tête dessus, là. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah, elle a bouffé. Bah oui. Bah, tu peux pas la mettre dans ton salon, au bout d'un moment, elle va moisir. Ah, ouais. Vrai. Donc, je vais t'amener la pizza, ta femme l'a commandée, c'est 20 euros. Je t'emmerde, oui. Qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai pas bien compris, là. Je t'emmerde. Bah, je vais venir te mettre ta pizza. Hein? Je t'amène la pizza. Oh, pas du tout. Ah, bah, si, bah, ta femme a commandé, elle paye maintenant, hein. Un peu plus gentil, là. Téléphone pour quoi faire? Bah, je téléphone pour te piquer 20 euros, moi. Non, bah, non, c'est pas la peine. Ah, bah, de toute façon, je vais me pointer chez toi, là. Ah, bah, non, a priori, il a raccroché. Ouais, bah, il va falloir qu'on le rappelle, alors. Tu le sens bien comme client? Ouais, là, je le sens bien, là. Je sens qu'il y a eu le feeling. Déjà, c'est bien, il connaît Lady Gaga. C'est vrai? Ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est surprenant. Jean-Louis. Hey. Allô, Jean-Louis? Hey. Ouais, moi, j'arrive à la baraque, hein. Hein? J'arrive chez toi, là. Viens là, on a foot. Bah, tu vas me donner les 20 balles et plus vite que ça. Hey, je suis impatient que la poubelle est juste à côté, hein. Bah, je m'en fous, hein. Moi, si tu me donnes pas les 20 euros, je te mets une fessée, hein. Hey, puis de toute façon, moi, je te connais pas, je vois pas pourquoi tu me tutoies. Bah, attends, parce qu'on va être copains, là, ce matin. Bah, je t'emmerde, moi. Bah, on va bouffer un bout. Deux fois. On va bouffer un bout de pizza ensemble. Une fois que t'auras donné les 20 euros. Je t'emmerde, je dis. Ouais, bah, moi, tu vas me le dire en face quand je vais venir. Ouais, bah, viens. Bah, ouais. Bah, je vais te foutre un coup de pelle à la pizza dans le. Bah, viens. J'ai ce qu'il faut, moi, pour te recevoir. Ouais, ouais, qu'est-ce que tu vas me recevoir avec quoi? Bah, un coup de 12. Un coup de 12, un coup de 12 direct, ça. Ouais, c'est pour les fillettes, ça. Ouais, bah viens. Quand t'auras pris le plan dans le cul, tu verras un peu aussi. Du plan dans le cul ce matin, tiens. Ah. Bah, j'arrive. J'ai comme l'impression que t'as pas mal pris dans le cul aussi, toi. Ah hein? Ouais, bah ça. Bonjour. C'est pas possible, tu me connais. T'as entendu parler de moi? Oh, certainement pas, parce que je sais pas qui tu es. Ah bah, de toute façon, tu vas me voir, j'arrive avec ma pelle à pizza là, sous le bras là. Arrive. Et puis sortons. T'as tout en parole, mais je te vois pas là. Et puis sortons 12, hein. Ouais. Bon, bah très bien, je suis là dans 5 minutes, même pas là. Viens, ça. Ah, bah à tout de suite, bonjour Louis. Bah voilà, une pizza. Eh bah voilà. Bah ouais. J'ai dit que je sentais bien Jean-Louis avec son coup de 12 là. Ouais, il va te mettre un petit coup de 12. Un petit coup de 12 et moi un coup de pelle à pizza, bim. Eh, pas mal cette idée pour vendre des pizzas. Je m'adresse à tous ceux qui ont des camions à pizza, des pizzerias. Eh bah n'hésitez pas, hein, créez des pizzas avec des visages de stars. Voilà, vous mettez un visage de star dessus. Et ça se vend bien. Là, celle qui se vend le mieux, c'est la Rihanna là, en Angleterre. C'est la Rihanna, lui, il a pris Lady Gaga avec les champignons. Ouais, Lady Gaga avec champignons, beaucoup de champignons. Oui, chacun ses goûts. 6h-9h, on les shows. Le morning de Difool sur Skyrock. What's my name? Oh, na, na. What's my name? Oh, na, good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is eight something, right? Cause I've been trying to work it out. Oh, good weed, white wine. I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we can do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I can get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna not say. Everybody knows how to work my body. Knows how to make me want it. Before you stay up on it. You got the something that keeps me so balanced. Baby, you're a challenge. Avant l'arrivée de Rihanna en France, on est super pressé de la retrouver. Tournée Skyrock, Nice, Lille, Lyon et le Stade de France à Paris-Saint-Denis. La première date, c'est le 15 juillet. Les places, elles se gagnent en ce mercredi matin sur Skyrock. Vous restez dans le coin, gardez votre smartphone près de vous et restez bien à l'écoute du son de Skyrock. Top départ des inscriptions, top départ officiel de la première roulette de la matinée dans moins d'une demi-heure, 8h17. J'espère que tout va bien. Le retour du beau temps sur toute la France. Morning Best, rancard à pas louper. On est premier sur la déconne tous les matins sur Skyrock, 6h, 9h, avec les meilleurs moments du morning de Difool. On va revenir sur un clash qui a opposé Christina Cordula à un joueur de l'équipe de France. Quel est ce joueur de l'équipe de France? Difool qui va vous raconter cette histoire dans quelques secondes. Le son de Mike Posner aussi. I took a pill in Ibiza et Justin Timberlake pour You Can't Stop the Feeling. Sephora. Trop fin, trop épais, clairsemé, en bataille, faites un geste pour vos sourcils. Chez Sephora, découvrez la nouvelle collection maquillage sourcils par Benefit. Des produits et des conseils de pros pour avoir des sourcils au poil. Venez vite chez Sephora pour un diagnostic personnalisé au bar à sourcils Benefit. Et en juillet, la coloration est offerte. Service gratuit selon disponibilité dans les magasins Sephora détenteurs du bar à sourcils Benefit. Voir sur Sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, c'est la loose. Pour Lidl ? Mais pour nous, oui. Parce qu'en ce moment, pour fans de barbecue, les 4 saucisses de Toulouse d'origine France sont à 2,75€ les 480 grammes. Moins de 70 centimes la saucisse. 4 saucisses de Toulouse à seulement 2,75€ ? Toulouse hors notre Toulouse, telle est la question. Moi j'ai la réponse, hein. Direction Lidl, oui. À ce prix-là, les saucisses de Toulouse, moi je les invite toutes à mon barbecue. Eh ben on est mal. Hein. Oui, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 5,73€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, bougez plus. Rappel. Le phare. Le phare de la section d'assaut est de retour avec un nouveau tube. Rappelle-la. À découvrir d'urgence sur l'album Monsieur Fall, déjà disponible. Je viens de lire le prospectus but Litry en folie, on va pas acheter un matelas. Quoi ? Mais ça fait des années qu'on doit changer le nôtre, il est tellement mou qu'on se retrouve toutes les nuits collés l'un contre l'autre. Justement, on va pas acheter un matelas, on va en acheter deux. La literie en folie, c'est en ce moment chez But. Jusqu'à moins 40% sur une sélection de grandes marques. But, c'est nous. Voir conditions en magasin et sur but.fr. Voici François de Nantes qui vient d'apprendre qu'à chaque match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire quintet plus des Bleus de 10 millions d'euros. Une aubaine pour ceux qui miseront sur les bons chevaux. 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. C'est vrai qu'il a l'air content, François. Vous aussi, jouez au Paris Hippique et tentez de gagner la super tirelire des Bleus de 10 millions d'euros du quintet plus. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Moi, j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Je sais pas chez vous, mais chez nous, le plus grand fan de sport, c'est mon mari. À chaque match, c'est pareil. Des heures à crier devant la télé. Mais moi aussi, je peux crier. Je veux la télé! Alors chérie, si tu pouvais regarder le foot ailleurs, ça serait génial. SFR se réinvente et inclut les nouvelles chaînes SFR Sport dans le forfait Power 40Go à 15,99€ par mois pendant un an, puis 25,99€ par mois pour les clients box de SFR avec engagement. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine jusqu'au 4 juillet pour toute souscription avec portabilité. Prix sans mobile, engagement 12 mois, détails sur sfr.fr. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais ? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Pff, mais n'importe quoi, vous avez des preuves ? C'est quoi vos sources ? Lucas ? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Chez Intermarché. Jusqu'au 10 juillet, la pizza Haute-Cœur Ristorante est à 2,15€ avec en plus 40% en avantage carte. Oui, 40%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété 4 fromages, 340 grammes, 6,33€ le kilo. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. 6h-9h sur Skyrock, Morning Best. Best Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Difool. Bon, on va retrouver Christina Cordula maintenant pour jouer tous ensemble et on va jouer au Chronotune. Ah, Chronotune, 300€ à gagner. Steven en direct d'Amiens, bonjour Steven. Salut, ça va ? Ça va et toi, bien ? Salut Steven. Ah, nickel. Et bon réveil sur Sky. On salue tous ceux qui sont déjà en voiture là, qui nous écoutent ce matin. Bonjour à Terrible, t'es où ? T'es à la maison ? T'es en voiture ? T'es au boulot ? T'es où, Steven ? Ah, je suis en camion au boulot. En camion au boulot, très bien. Alors, Steven, camion au boulot et faites-le venir là. Faites-le venir, notre footballeur. On l'a mis devant Christina Cordula. Mais qui est ce footballeur ? Écoutez bien, elle le juge un peu au niveau du... Non mais elle l'allume surtout. Oui, c'est pas oui, ça. Tu l'écoutes, il a quand même un look de merde. Oui, footballeur des Bleus, on vous avait donné un petit indice. Aïe, aïe, aïe, c'est la catastrophe, chérie. Ah là, aïe, aïe, c'est la catastrophe, chérie. Elle le trouve trop simple. Catastrophique. Trop simple, la chemise. Ta chemise, un jean, certes, c'est à la mode, mais celle-là, elle n'est pas à la mode. Et ouais, ça va pas. Et le pantalon ? Le pantalon, ça va pas du tout. Oui. Et mélanger avec cette basket... Ça va pas. c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Bon, il n'y a rien qui va, quoi. Donc elle commence par. Elle finit par c'est la catastrophe et elle commence par. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La catastrophe, chérie. La catastrophe. Deux catastrophes, rien qu'en aïe, aïe, aïe, aïe, c'est la catastrophique. Hein. Bon, de quel joueur elle parle, Steven? Griezmann. Eh oui, c'est Grizzy. Ah, bah dis donc, il va être, tiens, il va être content que heureux. Ça. Il est rhabillé, Grizzy. Et ouais, en plus, c'est pas le pire, quoi. C'est pas le pire. Bon, elle s'est fait aussi Zlatan, tiens, par exemple. Ah ouais, elle prend des risques. Ouais, elle a pas peur, quand même. Elle s'est fait Zlatan une fois qu'il part de Paris, hein. Je vais vous ouais, faire... c'est vrai que du temps où il était là, elle a eu le temps de le faire. Elle a pas ouvert sa gueule, bizarrement. On va faire la même chose avec Zlatan. Alors, ça donne quoi? Toulouse, il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot. Ah, Toulouse, il y a du boulot. Et Toulouse, il y a du boulot, Zlatan. Elle parle aussi bien que lui. Ah, c'est pas magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est d'une trouée baggy, trop long. Mais c'est d'un négligé. Oh, ah, pas c'est d'un négligé. De toi. Putain, ton gueule, Zlatan. Elle est complètement révoltée. Là. Ah ouais. Ah, ouais. Ah c'est d'un négligé, hein. Zlatan, ça va l'énerver, attention. Ouais, ouais. Et non, mais puis elle se permet de juger. Bon, c'est pas non plus la mieux habillée au monde. Quoi. Attends, attends, elle a pas fini, Zlatan. Et cette polo, oh là là. Elle est ringue. Et toi, beau comme tout, il faut vraiment faire des efforts. Hein, parce que là, hein, ça va pas du tout. Voilà, ça va pas du tout. C'était polo. Zlatan, ça va pas du tout. Hein, ça va pas du tout. Zlatan. Zlatan is the best. Ah, le polo à Zlatan, pas magnifique. Bon, elle s'est fait aussi Matuidi, tiens, un petit coup de Matuidi. Allez, bon, puis on va jouer au chronotune, je t'oublie pas, Steven. Il y a 300 euros. Ouais, ça va. Oh, 300 euros, hein, j'ai crédit là déjà. Alors, Matuidi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors là, l'arbitre, il va siffler, hein. Ah, ça, c'est le sifflet. Ah ouais. Ah, mais il fait bien le sifflet, ah, dis mal, donc. Ouais. L'arbitre, c'est impressionnant. Il va siffler. Chérie, ça, un look de soir, je n'ai vraiment comprends pas comment ça se fait que tu peux mettre un look pareil. Putain, mais moi non plus, je comprends pas ce qu'elle nous dit là. Elle comprend pas et comment elle fait se mettre un look pareil. À soir, un look pareil. Bon, lui, il a des problèmes avec les baskets. Les baskets rouges qui est de la même couleur que ton gilet, histoire de faire ouais. Je suis style. Ouais, ça va pas. Et sinon. Le jean. Pas du tout classe. Pas classe. Et puis sinon. Et la cerise sur les pompons, non. C'est ton t-shirt décolleté plongeant. Voilà, non, c'est pas la cerise sur le pompon, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça. Ah ouais, mais bon, en même temps, si tu dis le mec, on est à même des décolletés, c'est chelou pour oui, un homme. Oui, c'est vrai, c'est chelou. J'en connais d'autres, tu sais. Donc, décolleté jusqu'au nombril. Oui. Bah, voilà, écoutez, c'est joli, un petit col en V. Les quoi, joueurs de foot sont habillés pour l'hiver par Christina Cordula. Eh ben Steven, voilà. Tu veux tes 300 euros? Ah oui. Eh bien, ah, oui. Pour le moment, tu les as. Ouais, c'est l'heure de les gagner, c'est l'heure de les garder maintenant. Le chronotune. Tu sois plus rapide que le chrono et empoche la thune. Alors le chronotune, c'est simple, on va te laisser 30 secondes pour répondre à une question. Tu as 300 euros pour l'instant, mais il faut les garder comme le disait Romano. Eh oui, parce que chaque seconde, 10 euros s'évaporent dans la nature à tout jamais. Il faut donc répondre le plus vite possible, Steven, j'espère que tu es prêt. Ouais. Prêt. Alors on a parlé de Christina Cordula. Donne-moi tout simplement le nom de 5 animatrices télé. C'est facile, top chrono. Oula, Flavie Flamand, Laurence Ferrari. 2. Valérie Benaïm. Oui. 3. Dans la même émission. Et. Et Nora Malagré. 4. Ouais. 4, il y en manque une. Clio. 5. Ouais, Clio, elle fait partie. Ouais. C'est la bande à une des meufs. C'est une voiture. C'est une Renault. C'est une Renault, mais elle passe dans quelle émission de télé? C'est dans les pubs, tu moto, veux moto. Dire. Non, mais c'est une des chroniqueuses de Touche pas à mon poste et Touche pas à mon sport. Ah ouais, ouais. Ah, très bien, je sais pas. Voilà, c'est. Oh, elle est mignonne, elle en plus. Ah ouais, elle est pas mal. Ouais. Bah, c'est, ouais, c'est une ancienne femme de footballeur, quoi. Elle aussi. Oui, oui, c'est très à la mode. Combien de secondes pour y te rester au chrono? Eh bien, il reste 15 secondes. Ah bah, ça va. 150 euros. 150 euros, tu gagnes 150 euros. Steven, beaucoup d'émotion dans la voix de Romano. J'en suis de l'argent. Tout ému. Le chèque de 150 euros arrive à la maison à Amiens. On te souhaite une bonne journée au boulot, Steven. Hein. Merci à vous aussi. Salut. Salut Steven. Ciao. Salut Steven. 6h-9h. Oh, les shows. Le morning de Default sur Skyrock. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. Big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad souls, darling, all I know are sad souls, sad souls. Hey! I know already blew his shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know our sad souls, sad souls. Que Pélini Biza, le son de Mike Posner. Morning Best. Morning Best. 6h-9h. Morning Show. Les meilleurs moments du morning de Default sur Skyrock. 8h30, merci d'être là. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même. On est mercredi matin, le 6 juillet. On peut dire que ça y est, vous avez fait le plus dur. Voilà, milieu de semaine, ça y est, c'est passé. Pour vous motiver, vous encourager tous les matins sur Skyrock, on est là avec les meilleurs moments du morning de Default. Dernière demi-heure de l'émission, on va vous donner le classement des métiers qui font le plus maigrir. Le classement des métiers où on grille le plus de calories. On se remettra également un moment culte du morning de Default. Nabila, comment Nabila s'est-elle retrouvée avec son mec Thomas en direct un matin sur Skyrock? C'était une histoire de dingue, on va se la remettre d'ici à 9h. On vous passera aussi Justin Timberlake. Numéro 1 des ventes de son en France et aux États-Unis et découvert en Europe sur Skyrock. Can't Stop the Feeling. Juste après l'actu, le sport, numéro 1 sur les infos, c'est Rémi. Numéro 1 sur la météo aussi ce matin. Une fois n'est pas coutume, on peut le dire, Rémi, tu arrives avec de bonnes nouvelles. Et ça y est, là, c'est parti pour l'été au moins jusqu'à la fin de la semaine, hein. Du beau temps quasiment partout. Bon, il y aura quelques orages qui vont revenir dimanche, on aura le temps d'en reparler. Mais en tout cas, aujourd'hui, demain, vendredi, samedi, voilà, rien à dire. Il fait beau sur l'ensemble du pays et ça commence dès ce matin, même si on a encore quelques légers nuages sur une large moitié nord. Mais ça va se dissiper au fil des heures. Les températures ce matin, 11 degrés à Caen, 12 à Orléans, 13 à Lille, 14 à Saint-Étienne et à Paris, 16 à Lyon, 17 à Montauban, 20 à Nîmes, 21 à Marseille. Au meilleur de la journée, 18 à Dunkerque, 19 au Havre, 21 à Lille, 22 à Rouen, 23 à Paris, 24 à Nantes, 25 à Auxerre, 27 à Bordeaux et à Limoges, 29 à Marseille et à Lyon, 32 à Montpellier et 35 à Nîmes. La pollution, ça reste bon. Les indices compris partout entre 3 et 4. Encore quelques minutes à patienter pour le premier top inscription de la roulette ce matin avec Rihanna à l'intérieur. Et là c'est parti pour l'actu. Et près de 8 candidats sur 10 qui ont décroché leur bac hier. Bravo à tous les concernés, vous respirez ce matin. Un chiffre qui sera encore en hausse dans quelques jours à l'issue des oraux de rattrapage qui commencent aujourd'hui. Les droits d'inscription à l'université n'augmenteront pas à la rentrée. Promesse faite dans le Parisien par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. 25 000 étudiants supplémentaires toucheront une bourse dans les prochains mois. Cela concerne ceux dont les parents gagnent au moins de 33 000 euros par an. Le PEL qui a de plus en plus la cote, c'est le dispositif qui semble fonctionner en ce moment. 920 000 plans d'épargne logement ont été ouverts au premier trimestre de cette année. Cela représente 6% de plus que l'an dernier. Il faut dire que le taux du PEL est à 1,5%, soit le double de ce que rapporte actuellement le livret A. Le passage en force une nouvelle fois du gouvernement en faveur de la loi travail. Manuel Valls a fait usage hier de l'article 49.3 afin d'éviter un vote des députés faute de majorité. Le Premier ministre engage donc la responsabilité de son gouvernement. La même question revient à chaque fois. La gauche va-t-elle déposer une motion de censure? La droite a déjà dit qu'elle ne le ferait pas. En tout cas, c'est possible selon les frondeurs. 58 signatures sont nécessaires et la dernière fois, il n'en manquait que deux. La mobilisation dans la rue qui perd du terrain. Moins de monde hier que la semaine dernière pour cette 12e journée d'action. La police évoque 30 000 manifestants partout en France. C'est deux fois moins que la précédente journée. La force ouvrière affirme que c'était la dernière de l'été avant une reprise probable à la rentrée. Il a affirmé la semaine dernière avoir été agressé par un couple à Montreuil. C'est désormais la victime présumée qui est en garde à vue depuis hier. d'hier. Le gérant bénévole des Restos du Cœur aurait inventé cette histoire de toute pièce. C'est en tout cas la conviction des enquêteurs. Il pourrait être mis en examen pour dénonciation de crimes ou délits imaginaires. Du sport et du foot, la première demi-finale de l'Euro, c'est ce soir. C'est entre le Portugal de Ronaldo et le Pays de Galles de Gareth Bale. Attention, ça va être chaud ce soir. Il n'y aura qu'une place pour la finale. On suivra tout ça chez Difool dès 21h. Le match se déroule à Lyon. Demain, c'est à Marseille que la France va affronter la nationale Mannschaft, l'Allemagne, pour, on espère, une place en finale. À partir aussi de 21h, les Bleus qui se sont entraînés hier à Clairefontaine et qui partent aujourd'hui pour la cité phocéenne. Et puis le Tour de France avec Peter Sagan qui reste en jaune. C'est Marcel Kittel qui a fini en tête hier à Limoges. Photo finish à l'appui. C'était très serré avec le Français Brian Coquard qui termine donc deuxième à quelques centimètres du leader. Place aujourd'hui à la cinquième étape entre Limoges et le Lioran. 216 km, un parcours accidenté et les premières ascensions. Les 40 derniers kilomètres seront particulièrement difficiles avec 4 cols à franchir, dont le col du Pertus, un véritable casse-pattes avant l'arrivée prévue à 17h. Ça pédale, ça va pédaler toute la journée. Rémi, on va te retrouver demain matin. Bah ouais. Tu seras là, au taquet, bah pour l'actu le sport. Bah toujours. À demain, Rémi. À demain, ciao. 6h-9h, Morning Best. Morning Show. Les meilleurs moments du Morning de Difool sur Skyrock. Avec Difool qui vous donne le classement des métiers qui font le plus maigrir. C'est juste après Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake, 8h34. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. De la déconne et du son, c'est le Morning Best tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h avec le retour du beau temps sur toute la France à 8h38. On vient d'écouter Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Skyrock était la première radio en Europe à vous le passer, de la déconne avec les meilleurs moments du Morning de Difool, comme en Nabila s'est-elle retrouvée en direct sur Skyrock un matin totalement à l'improviste avec Difool et Romano. On se met ça d'ici à 9h. Là, il y a un nouvel épisode du Morning et le son Raga Dancehall de l'été, le son de Ken Jones avec Don't Mind. Et voici maintenant le régime Skyrock. Alors régime Skyrock, c'est simple, vous pouvez manger ce que vous voulez. Nous on va simplement parler des métiers et du nombre de calories qu'on grille en fonction du métier qu'on fait. Alors les messages que vous avez, on va pas pouvoir faire tous les métiers parce que je vois ça défile. En gros, alors attendez, je vais prendre ceux qui dépensent le moins de calories. Alors qu'est-ce qui est secrétaire? J'ai vu des messages là. Ah, Tina qui est secrétaire. Madré également est secrétaire. Je suis secrétaire, ça fait pas maigrir derrière un bureau toute la journée. Ben tu te trompes pas, Madré. Les secrétaires, en tout cas tous les boulots dans lesquels on est assis. Tiens, j'ai également Mélina qui est téléopératrice. J'ai les chauffeurs également aussi. Tiens, Dimitri, il est chauffeur. Je sais pas si c'était VTC ou taxi ou chauffeur tout court. Chauffeur de bus peut-être. Ou taxi pirate clandestin. Taxi pirate, oui, c'est ça. Donc si vous êtes assis dans votre métier, je sais pas, par exemple vous êtes derrière votre bureau toute la journée, vous grillez entre 20 et 40 calories par jour. Donc ça c'est le minimum. Donc en gros les métiers où on est assis, tiens vous nous laissiez des messages aussi. Bah c'est vrai que c'est pas super physique non plus. Oui. Les étudiants, les lycéens, Oh bah nous ça doit être pareil d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'on est assis oui, tout le temps. Oui, on est souvent assis, oui. Ah ouais, donc nous c'est entre 20 et 40 calories par jour. Je comprends pourquoi pourquoi j'ai pris du poids. Toi, oui. Rémi aussi. Oui, Karim aussi. Karim il se cachait derrière son micro, mais tu sais, je te vois derrière ton micro. Ouais, bah, mais tu n'arriveras pas à te cacher derrière. C'est pas assez gros. Ah, non. Tu as tellement grossi que on te voit derrière ton micro. Oui, je sais bien, je sais. Donc entre 20 et 40 calories par jour quand on est assis. Voilà, si vous êtes assis, c'est 20-40 calories. Bienvenue au club. Et sinon, ceux qui dépensent le plus de calories en une heure, tout ça c'est en une heure. Hein. Pas genre les maçons ou les trucs comme ça, non. C'est des pompiers ils sont pas mal les maçons, tu vois, j'en parlerai juste après. C'est les pompiers en intervention. Les pompiers qui éteignent l'incendie, eux ils sont à plus de, plus de 700 calories, aux alentours de 750 calories en une heure pour éteindre un feu. Ah bah tu m'étonnes, ça brûle des calories les flammes, hein. Ouais, c'est physique, ça fait fondre. C'est vrai que vu comme c'est pas con. Ouais. Donc en fait, ceux qui dépensent le moins, c'est ceux qui sont assis. Ceux qui dépensent le plus de calories, c'est les pompiers. Ouais. Et entre les deux, alors tu voulais les maçons, tout ouais, ça. Ouais, genre les métiers du BTP, parce que c'est quand même vachement physique, tu sais. On a des maçons. Des grosses charges ou. Tiens, je construis des routes, on nous dit là. Bah ça doit être. Bon après, ça dépend. Si t'as le cul posé dans un camion, alors. Tu dépenses 20 calories par jour, mais si tu soulèves des parpaings, des trucs. Métier du BTP, c'est 340 calories par heure. C'est pas mal. Étonnant. Ah ouais. C'est pas mal ça. Vous devez être tout maigre dans le BTP ou alors tout musclé. Tout sec. Ouais, pas mal. Tiens, un petit truc, une petite précision. Si vous faites du sport, notamment les profs de sport, ou alors si vous avez sport au bahut, là vous dépensez 200 calories, plus de 200 calories en une heure. Quoi, après, ça dépend des profs de sport. Il y en a, laisse tomber, quand tu faisais de l'endurance, le mec il attendait au bord du terrain. Ouais, ce que j'allais dire, moi j'avais un prof de sport, il avait un bide. Limite, il fumait sa clope. Ouais, courez les jeunes. On va en faire 4 tours, tiens, le temps que je finisse ma clope. Cynthia, elle a 20 ans, elle est masseuse. Alors les masseuses, c'est pareil, c'est plus de 200 calories par heure, juste en faisant masseur. C'est pas mal. Ah, c'est physique, hein. Ah, c'est physique de remettre de la bidoche. Hein. Exactement, oui. Tiens, les menuisiers, on demande, les menuisiers, c'est entre 150 et 200 calories par heure. C'est pas mal. Donc en gros, un policier dans sa voiture, c'est pareil, hein, c'est entre 20 et 40. Dès que vous êtes assis, c'est entre 20 et 40 calories. Mmh. Et dès que vous avez une petite activité, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Hein. Donc voilà pour les calories qu'on dépense en fonction des métiers qu'on fait. Eh ben voilà. Je salue tous ceux qui vont être assis, qui vont culpabiliser toute la journée aujourd'hui. Et t'inquiète, t'es électricien dans le bâtiment pour Saïd. Toi, t'es dans ceux qui brûlent des calories. Ah ouais, toi, t'en brûles un paquet de calories. C'est bien, Saïd. Continue. Métier branlette, ça n'existe pas, je n'ai pas ça dans ma liste, je suis désolé Baba. Ah non, dommage. Merci Baba. Auxiliaire puéricultrice, est-ce que ça fait maigrir? Alors auxiliaire puéricultrice, fais-le debout. Hein? Ouais. Mais c'est debout, non? Et voilà. Déjà. Reste debout, ne t'assieds pas d'ailleurs. C'est super. Et pour les vendeurs et les vendeuses, j'ai Clémentine qui est en direct avec nous. Bonjour Clémentine. Bonjour l'équipe, ça va? Bonjour. Salut Clémentine. Ça va bien et toi, ça va Clémentine? Ça va. Bon, tu fais quoi comme boulot, toi? C'est vendeuse, hein, c'est ça? Ouais, je suis vendeuse dans un magasin de chaussures. Et t'es debout toute la journée? Oui, retour dans le magasin, ouais, toute la journée debout. Allez, retour dans le magasin toute la journée debout. Tu dépenses entre 200 et 250 calories par heure. Donc c'est bien, c'est bien, Clémentine. Reste debout avec tes chaussures. Et voilà. Cours. Et c'est bien, tu dois avoir les mains qui puent des pieds, c'est parfait. Oh. Travailler dans un magasin de pompes. Elle se les lave, j'imagine. J'espère. Oui, de temps même. En temps. ça fait 10 ans que je n'ai pas lavé ma moindre main. Et femme de ménage, plus de 300 calories. Ça, c'est un métier où tu dépenses plein de calories, femme de ménage. Je dis ça parce que j'ai eu un message avec femme de ménage dessus, là. Bon, Clémentine.

Carrefour. Allez hop, fini l'année scolaire. T'es contente? Ouais, je vais pouvoir jeter mon vieux cartable. Ah non, non, non, surtout pas, ma chérie. Bah, pourquoi? Bah, parce que figure-toi que jusqu'au 18 juillet chez Carrefour, ils récupèrent les anciens cartables et en échange, on a un bon de réduction de 10 euros. Cool, comme ça, je pourrais avoir un cartable tout neuf pour la rentrée. Jusqu'au 18 juillet, rapportez votre ancien cartable chez Carrefour et profitez d'un bon de réduction de 10 euros. Bon de réduction valable du 28 juin au 18 septembre 2016. Modalité complète et liste des magasins participants sur carrefour.fr. Carrefour. Les meilleurs moments du morning de Difool. 6h-9h sur Skyrock. Morning Show. Morning Best. Juste avant de retrouver Nabila, Nabila avec Difool et Romano, l'heure de votre horoscope de l'amour, l'horoscope de l'amour tous les matins sur Skyrock pendant l'été à 6h-10, 7h-10, 8h-10 et 9h-10. On est le mercredi 6 juillet, c'est 0 sur 5 malheureusement de puissance amoureuse pour les Gémeaux et pour les Scorpions avec une vilaine qui va vous tirer dans les pattes. 1 sur 5 les Poissons et les Verseaux qui paniquent à l'idée qu'on vienne taper dans leur sandwich. 2 sur 5 de puissance amoureuse, les Taureaux et les Sagittaires. Attention, quelqu'un pourrait tenter de vous inciter à faire de la merde. 3 sur 5 de puissance amoureuse pour les Cancers et pour les Balances. Prenez vos couilles à deux mains, c'est le moment de prendre l'initiative. Vous serez récompensé. 4 sur 5 de puissance amoureuse, les Lions et les Capricornes avec des regards qui fusent. On vous scrute de la tête aux pieds. Vous aurez un petit peu l'impression d'être une restart. Et enfin, les Vierges et les Béliers. Priorité numéro 1 de celui ou de celle que vous kiffez. Vous allez tout simplement passer une chouette journée. Vierge et Bélier, 5 sur 5 de puissance amoureuse. Allez, on y va. Nabila, maintenant dans le morning de Difool. Et derrière, Drake avec One Dance. Et attention, attention, voici le réveil de star du jour. Oui, tous les jours, une star vient réveiller les Français sur Skyrock. Et ce matin, elle est là. Ouais. La célèbre, la belle, la sensuelle, l'intelligence. La classe. Et eh bien oui, la classe. Et oui, la classe. Nabila, salut Nabila. Allô. Allô. Bonjour tout le monde. Bonjour Nabila. Salut Nabila. Comment ça va Nabila? T'es en forme ce matin? C'est cool. Les gens me connaissent, moi, mes fans, les gens qui m'aiment, qui me soutiennent. Bon, ce qu'on a fait ce matin, on a réveillé un Français. Il s'appelle Thierry. Nabila, il y a Thomas. Non, Nabila. Range le couteau, Nabila. Nabila, tu restes cool, calme, classe comme d'habitude. Nabila, on s'est appelé boucherie. Elle réveille Thierry tout de suite. Allez Thierry. Allez, c'est parti. Allez, Nabila content, et Thierry. Content du voyage, lui. Ah, il va être content, ouais. Bah, allô. Ah. Allô. Oula. C'est qui? Ouais, j'ai des gros seins. C'est qui? Moi j'ai chaud, alors je mets pas de culotte. Mais bah, moi j'aime pas les filles qui ont des gros seins et pas de culotte. Je me suis téléportée, je suis dans le futur, mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est très bien. C'est bien. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Bah, j'ai passé quelqu'un. Ah, c'est gentil. Ça me fait stresser cette histoire là. Du calme. Allô? Allô? Oui, c'est qui? On me catalogue comme la Kim Kardashian française. C'est ça. Bah tu m'appelles, tu me casses les couilles là, tu veux quoi toi? Et là c'est la guerre mondiale de 78. Ouais. En 478, je comprends pas, putain. Hé, hey, t'habites où, connasse, putain? T'habites où, putain? T'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi, quoi. Attends, je comprends pas, là, putain, qu'est-ce que tu racontes, là? Oh, je t'ai dit ta mère, moi. Non, Nabila, du calme. Parle bien, ouais. Parle bien, enculé. Salope, grosse salope, grosse salope. Je pense être une fille assez jolie, assez glamour. Hein? Mais je comprends pas ce que tu racontes, connasse. Je vous fais des gros bisous. C'est bien, Nabila. Ouais, bah moi, je te fais des gros bisous aussi. Trop contente. Ah, salope. Oh. Mais où est la fichée qu'on a amenée par la gendarmerie? Mais elle veut quoi? Le beurre, l'argent du beurre. Mais c'est elle, la crémière. Voilà, on avait la crémière, ouais. Alors. La femme de Thierry était donc la crémière. La femme de Thierry était en pleine forme derrière. Hein. Ah, j'appelle la gendarmerie. Et les gens sont pas polis, parce qu'on ne parle pas à une femme comme ça. On lui dit pas connasse, salope et tout ça. Hein. Ah ouais, ça va un peu loin. Et Nabila s'est bien retenue, à part un petit, oh oui, je te nique ta mère. Il y a une petite remontée mère, de je te nique ta mère. À part ça, ça s'est bien passé. C'est bien, Nabila. Bravo à toi. Tu restais calme. C'était le top du swag. Merci à Nabila et à la famille aussi. Faut remercier la famille de Thierry. Oui, qui a participé sans savoir. Oui, s'est fait réveiller par une star. Et il est là avec nous. Bonjour Thomas. Salut, ça va Difool? Ça va Thomas? Salut Thomas. Salut. Hey, merci pour le petit message sur Twitter, ça nous a fait plaisir. Bah, normal, on est dans les bouchons, ça nous a bien fait rire. Hein. Alors, tu dis honte, t'es avec Nabila? Ouais, je suis avec Nabila. Bonjour Nabila. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites sur mon dos? Oh, rien du tout, Nabila. C'est dangereux. T'as entendu comme les familles qu'on a appelées n'étaient pas très gentilles avec toi? Tu étais sympa, non, comme tout, poli. Vous me faites mort. suis mort de rire. Mes mots, vous m'avez tué, les gars. Vous assurez grave. Eh, ils, ont eu de la chance, hein, la famille à Thierry. Ils se sont fait réveiller par toi ce matin. Ouais, bah super accueil, salope. Bah, c'est pas grave. Sympa, Nabila. Bon, bah écoute, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir dans l'émission, hein, d'ailleurs. Hein. Ça va, on vous tient au jus avec plaisir. On fera une émission direct d'une boucherie pour toi, oui, Nabila. Oui, on a une cuisine. On aura tout ce qu'il faut. Restez tranquille, sinon je vais pas rigoler. Hein. Bon, bah sympa, bon, allez, on vous embrasse. On t'embrasse, Nabila. Bisous, Thomas. Bisous, Thomas. Salut. Et merci du message. Bisous. Et merci du message à tous les deux, Nabila et Thomas, dans la voiture. Voilà, c'est géré. 6h-9h, The Morning Show, le morning de Difool sur Skyrock. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Wet. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Encore un son que Skyrock vous a passé avant les radios. Drake avec One Dance, 8h56, le Morning Best. On s'est encore bien amusé tout au long de la matinée avec les meilleurs moments du Morning de Difool. Difool à retrouver en direct ce soir à partir de 21h avec Romano, Lamari, Samy, Karim, Cédric le Belge. On vivra en direct la première demi-finale entre le Portugal et le Pays de Galles, le clash de la drague, le double appel. Et vous tous en direct, tout ça c'est prévu à partir de 21h. Fred pour le 9-12 de l'été. Dans quelques secondes, il y aura le hold-up de Beyoncé, la nouvelle de Tal. Tout ça c'est juste après la roulette. 400 places de concert Rihanna a gagné sur Skyrock. Allô Marielle. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour Marielle, 28 ans, la niçoise. Marielle. Oui. Bon, tout est prêt à Nice pour accueillir Rihanna? Tout est prêt. D'accord. Il y a le soleil, la bonne humeur, tout est prêt. Et il y a toi Marielle qui va tenter de choper tes places. Elle arrive dans 9 jours, Riri, à l'Alliance Rivera. Voilà le tout nouveau stade. Quand tu veux Marielle, ça tourne, première boulette de la matinée, c'est toi qui as été tiré au sort. Attention, petit stop qui déraille un peu, mais c'est mignon. Ouais. Ça a son charme. Le stop qui déraille, est-ce que ça marche ou pas? Eh ben, ça marche, c'est parti. Ouais. Bip. Voilà, Rihanna, le 15 juillet, 9 jours maintenant. Trop bien. Tu vas la voir. Contente. Riri qui déchire tout sur scène. Bah, de toute façon, y a, les titres, c'est que des hits. Comme on dit, voilà, c'est plus de 10 ans de son qui sont passés sur Skyrock. 60 semaines passées en tête des ventes de son aux États-Unis. Elle a explosé le record des Beatles. Et elle arrive avec Skyrock. Tu y seras avec la personne de ton choix.

du mal à tourner la page comme si la plume qu'il a écrite pesait plus d'une tonne. Et vous arrêtez là, je me fous de buzzer. Le cœur plus gros que les yeux. Oui, j'ai menti mesdames, messieurs. Je brûle des étapes à force de jouer avec le feu. À force de jouer des personnages, je suis devenu fou. Et toi, ma chérie, oh pardonne-moi, je sais que je l'emporterai pas au paradis. Tout simplement parce que je suis un homme et pas un ange. Laisse-moi me faire du mal, je vais te venger. Et on dit que l'amour est aveugle. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à se retrouver. Pardonne-moi mais je n'ai pas su trouver mieux. On se regarde plus dans les yeux. Je prie Dieu pour qu'on finisse cette vie à deux. Les mains vers les yeux. Pardonne-moi mais je n'ai pas su trouver mieux. On se regarde plus dans les yeux. Je prie Dieu pour qu'on finisse cette vie à deux. Les mains vers les cieux. Oui j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer. Mais j'essaye, c'est tout moi. C'est tout moi. Oui j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer. Mais j'essaye, c'est tout moi.